Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui assemble un truc. Marc-Ali viendra sauver la mise de l'émission avec sa chronique hebdomadaire et on dépensera tout notre argent sur internet dans Sexy 69 la parole. Assemblage qui commence tout de suite. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. En ce lundi 12 mars 2018, on est à 46 jours, oui, de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, Tania Baudin a congé parce qu'elle se remet de ses jeux de la communication. Donc, pour la remplacer, je suis allé chercher Antoine Lapointe-Ricard. Bon matin à tous. Hey, bon matin, Trois-Rivières! Bon matin, Trois-Rivières! On est en forme, matin! Malgré le maudit changement d'heure qui fait qu'il fait noir, là. Oui, parle-moi-en pas. Écoute, je me suis couché assez tard, puis samedi dernier... Regarde la cellulaire, 3h du matin. Quoi? Ouais, une chance que ça change tout seul, ce cellulaire-là, ouais, parce que sinon, heureusement, on serait mal pris. Mais moi, j'étais bien content d'avoir du soleil les dernières semaines, les derniers jours. Je comprends pas, là, on revient en arrière. On dirait qu'on retourne dans l'ancien temps. Et ça va. Ouais. On va s'en remettre. Ça va juste le moral, ça. C'est vrai, ça. Mais c'est pas grave, il est 7h et on est ensemble et on a du plaisir en remplaçant Tania ce matin. Tania, j'imagine qu'elle va nous en parler demain, mais ces jeux de la communication, ça a pas été le plus grand succès du monde. Est-ce que tu connais le résultat? Ouais. Y a-tu parlé? J'y ai chatté un petit peu. OK. Pas plus qu'il faut. C'est pas des bonnes nouvelles, je pense. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, parce que faut savoir, si je me trompe pas, il y avait 7, 8 universités quelque chose comme ça, qui concouraient ensemble. Ça se passait à Québec. Oui, exactement, à l'Université Laval. Sais-tu le résultat final? Je sais pas qui a gagné, mais okay. Je sais que c'est pas Tania. OK, parfait. Ben là, c'est pas l'UQTR. OK, non, c'est ce que je me demandais, en fait, juste savoir les trois universités qui avaient gagné. T'es en communication sociale, toi aussi. Exactement, j'étais en communication sociale, donc... T'as pas participé à ça? Non. T'as trop d'affaires à faire dans la vie. J'ai beaucoup trop de choses, en fait, dans la vie pour participer aux jeux de communication. J'irais que Tania aussi, je sais même pas pourquoi. Pourquoi elle a dit oui à ça, je comprendrai jamais. Mais reste quand même que c'est une très, très belle expérience pour tous ceux qui ont participé, en fait. On les félicite? Oui, on félicite. Tout à fait, aussi, tout à fait, en fait, parce que Tania, et je ne doute absolument pas de la performance qu'ils ont. Zéro. Comme je dis souvent, j'ai dit à Tania, si vous n'avez pas gagné avec toi dans l'équipe, c'est que l'UQTR n'a aucune chance et il y a un complot derrière ça. c'est ce que je dis, c'est mon opinion. pour être très, très franc, et je croyais réellement à leur chance, en fait. Oui, moi aussi. Parce que je suis pas mal certain que la grande majorité des gens qui participent aux jeux de communication à l'extérieur de l'Université de Trois-Rivières ont probablement moins d'expérience. Ça, c'est définitif, c'est ce que je pense. Donc. Est-ce que tu as mis de l'argent sur les jeux de la com, non? Non, malheureusement, je n'ai pas d'argent. Comment tu veux que j'en mette? Justement, parlant de ne pas avoir d'argent, mais quel lien excellent. Oh mon Dieu. D'équipe de feu. Alors, on va avoir la chronique de gadgets à acheter sur Internet plus tard, sexe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Aussi, aujourd'hui, on a Marc Gagné qui va être de retour. Lui qui est venu remplacer Tania jeudi. Avec Gabriel Béhoud, donc les gens sont quand même pas mal fins de venir m'aider à animer cette émission-là. Mais bref, il est venu jeudi, il revient déjà tellement il a aimé ça. On l'a aimé. C'est fort, hein? Marc Gagné, donc à 8h. Autour de ça, je pense que tu vas nous sortir une petite chronique toi aussi aujourd'hui. Oui, ben la petite chronique que je fais à toutes les deux semaines, chronique plein air, chronique plein air qui portera sur un mode de vie sans voiture. Ah, c'est un fin. Mode de vie que je vis depuis déjà quelques années. Heureusement ou malheureusement, tout dépendant, nous verrons bien. Je te comprends là-dessus, moi aussi je suis à pied. En vélo? Non, à pied. Ok, ben écoute, aujourd'hui je vais peut-être te convaincre d'acheter ou en fait de te procurer un vélo. Même l'hiver? L'hiver est un autre sujet, on en parlera si tu veux. Oui. Alors, je suis sûr qu'on va en parler plus tard dans ta chronique plein air. Mais avant ça, on va commencer l'émission avec une liste. Alors, on fait plusieurs listes dans son petit palmarès. J'ai choisi ces listes-là pour Tania et pour toi. Donc, on va voir ce que ça va donner tantôt. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Birmanie et Colin. L'hiver est long en crise. Et c'est le nom de la toune. C'est pas moi qui a ça. C'est, ouais, c'est ce qu'ils disent tout. Hein? Yeah. Birmanie avec, et je cite, l'hiver est long en crise. En guillemets. Long en crise, en guillemets. En quoi qui est? En Chris. Chris. C'est le nom de la chanson. Chris Tof Colon. On n'a rien, c'est nous autres. Okay. Maintenant, c'est Son Foutu Palmarès. C'est la chronique qui a une intro de genre 50 secondes pour rien, mais j'aime ça, j'aime ça. C'est aussi la chronique où on se fait une liste sur un petit sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, je t'ai choisi, Antoine Lapointe-Ricard, quelque chose qui a un lien avec Tania Baudin. Oui. Qui est absente aujourd'hui. Oui. Tania, je sais pas si tu savais, je sais pas si tu avais remarqué, est une femme. Et oui, ben, écoute, je m'en doutais. Elle cache bien son jeu, mais non. C'est pas elle n'est pas bonne menteuse si ce n'est pas le cas. Voilà. Mais bref, la raison pour laquelle j'ai choisi cet article-là, c'est simplement parce que Tania est pas là. Et en plus, c'était pas là jeudi et c'était la journée de la femme. Exactement, le 8 mars dernier. C'est ça. Alors, on est un petit peu en retard, mais quand même, une liste que vous connaissez peut-être pas de choses qui ont été inventées par des femmes. Mais ce n'est pas... Écoute, je t'entends dire on est en retard, mais on n'est pas en retard parce que la journée de la femme, c'est tous les jours. C'est tous les jours, Colin. Je pense que le public féminin va m'aimer là-dessus, mais c'est moi, pour... C'est même pas le jour des femmes, c'est même pas le mois des femmes, l'année des femmes, c'est la vie des femmes. Oui, c'est la vie de la femme. Bref, les femmes n'ont pas toujours le crédit qu'elles méritent par rapport à leurs inventions, mais elles sont responsables pour plein de choses qu'on utilise tous les jours, certaines choses plus que d'autres, mais commençons par le sac de pépier. Oh, le sac de papier. Le sac de papier brun. Exactement, c'est Margaret Knight. Knight, oui, comme chevalière. Hein, qui travaillait dans un truc de coton, un moulin à coton, comme on appelle, qui a inventé cette machine-là en 1868. À l'origine, les sacs de papier ressemblaient plus à des enveloppes. Oh. Après, il y a un homme nommé Charles Annan qui a vu son design, qui a essayé de le breveter. Tu vois, essayer de passer devant. Une petite peste derrière qui... On les aime pas. Bref, Knight a fait une poursuite et a gagné le brevet en 1871. Bravo. Ben oui. Margaret Mademoiselle Chevalier. Knight. Ensuite, Kevlar. Le Kevlar. C'est le truc pour t'empêcher d'avoir une balle dans le cœur. Oui, donc cette invention-là a probablement révolutionné la vie de certains policiers. A sauvé des vies, clairement. Oui. Clairement. 5 fois plus fort que l'acier, en fait. Hein? 5 fois. Cinq fois plus fort. C'est une chimiste. Stéphanie Kvolek. Qui a accidentellement inventé ça alors qu'elle essayait de perfectionner une fibre pour les pneus des voitures. Elle s'est fait elle a réussi à avoir son brevet en 1966. Donc le Kevlar, c'est beau. C'est quand même incroyable, hein? Par accident. Par accident, ce que tu peux créer, en fait. Le Kevlar, tout le monde connaît ça aujourd'hui quand même. Je veux dire, tout le monde a déjà entendu parler des vestes par balles. Puis il y a certainement d'autres produits qui sont marchandisés aujourd'hui. Mais par accident, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait... C'est fou pareil. C'est fou. Du Kevlour. Du Kevlour. J'aimerais ça, du Kevlour en français, c'est plus doux. T'sais. Ensuite, la poubelle, mais avec la petite pédale sur laquelle tu pèses pour ouvrir la poubelle. Oui. Ça a été inventé par une femme, Lillian Gilbreth, qui a amélioré cette invention qui existait déjà, donc avec un petit quelque chose en plus. C'était au début des années 1900. Elle a créé aussi, en fait, les tablettes à l'intérieur des portes de réfrigérateur. Elle améliore des choses, tu comprends? Elle a aussi rendu l'ouvre-boîte plus facile à utiliser. Et puis, elle a nettoyé, donc elle a arrangé la cuisine pour qu'elle soit plus propre avec une poubelle qu'on ouvre avec une pédale à la place de Colin avoir la poubelle à la vue de tout le monde. Donc, Mademoiselle Guilmerette a rendu... on pourrait dire quand même qu'elle a rendu la vie plus facile, évidemment. Oh, pour les femmes, non. J'espère que t'allais pas racheter pour les femmes. Non, okay, mais reste quand même qu'une poubelle avec l'accès par les pieds. Ouais. Comment je pourrais dire ça? J'arrive pas à le dire. Sors tout ton pétrin. Ça veut pas sortir. Non, c'est juste que. C'est un peu paresseux. C'est de la paresse. C'est de la paresse physique, mais. Tu manques de main des fois. Mais c'est vrai. Et on s'entend que tout ce qui est accessible par les pieds. Ça veut rien dire. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Moi, je te suis. Matt, je te suis. T'es le seul, mais je te suis. On se fait confiance, deux de ses 12 enfants, Frank Jr. et Ernestine Gilbreth, ont écrit sur leurs travaux à la maison, les travaux de leur mère, dans le livre Cheaper by the Dozen, si ça vous intéresse. Celui qui ont fait un film avec. Oui, moins cher la douzaine. Et voilà. Ensuite, le Monopoly. Monopoly, ça, ouais. Ça me surprend. Ça me surprend vraiment. Qu'elle ait choisi un monsieur à moustache. En fait, là étant mon point, j'ai toujours pensé que le créateur devait ressembler à ça. Je sais pas pourquoi, moi, un bon monsieur avec un chapeau haute forme. Puis, un banquier, tu sais. Un banquier, un homme d'affaires, je sais pas. Ça aurait du sens, mais ça, c'est sexiste de dire qu'un homme d'affaires aurait dû inventer le Monopoly. Non. C'est blague. C'est eux qui connaissent le plus le marché. C'est ça. C'est Elizabeth Maggie qui a créé The Landlord's Game. Pour nous faire connaître un petit peu la théorie économique du géorgisme. Donc, enseigner aux joueurs comment c'est injuste de voler les terres des autres, les désavantages de la location, des trucs comme ça. C'est quand même drôle que tu me dises ça, puis qu'aujourd'hui, tout le monde joue comme « Hey, je t'ai volé ça! » C'est ça. Y a personne qui prend conscience de ce beau message social-là. Tellement. Et il y a un Monopoly pour tricheurs qui s'en vient, t'as vu passer ça. Non. Ça t'encourage de voler. Ben. Bref, Maggie, ou Meiji, en tout cas, bref, peu importe, a breveté ce jeu de table en 1904. Elle l'a édité elle-même en 1906, et presque 30 ans plus tard, un homme nommé Charles Darrow a transformé un petit peu le design de la planche et son message et a vendu ça à Parker Brothers sous le nom de Monopoly. Donc, encore une fois, elle s'est fait dépasser. Encore volée par un homme. Ça se peut-tu? La compagnie a acheté, par contre, le brevet de Maggie pour le jeu d'origine pour 500$ sans aucune royauté, c'est-à-dire pas de cote sur les ventes futures. Ah, mon Dieu. 500$ qui, dans le temps, peut-être... Sûrement. 3 000 $, OK, mais quand même... C'est quand même juste un montant. Monopoly est probablement le jeu le plus convoité au monde, le jeu de société, disons. Aussi. Exactement, ben oui, fait que c'est évalué à plus d'un million de dollars, ça j'en suis certain. C'est sûr. Ensuite, parlons des essuie-glaces. Les essuie-glaces. Les wipers. Communément appelés. Communément appelés les wipers. Donc les gens étaient sceptiques au départ lorsque Mary Anderson a inventé les premiers wipers manuels en 1903. Ils pensaient que c'était plus sécuritaire pour eux de conduire sur la route avec de la pluie et de la neige qui cachait un petit peu la route plutôt que de tirer un levier, parce qu'il fallait tirer un levier pour faire marcher les wipers, tu comprends? Ensuite, il y a une autre inventeuse. Pardon, c'est l'écriture inclusive qui fait tout ça comme ça. L'autre inventeuse triste, Charlotte Bridgewood, qui elle a inventé une version automatique avec un rouleau électrique en 1917, et ça n'a pas été un succès non plus. Mais lorsque le brevet d'Anderson a expiré en 1920, les wipers commençaient à avoir du succès. En fait, Cadillac est la première compagnie à avoir inclus ça dans chaque modèle de voiture, et les autres compagnies les ont imités par après. Mais je pense que, écoute, ce que je te disais tout à l'heure, pour mettre en contexte nos téléspectateurs ou nos... Caméra 3. Mais et voilà. Je disais tout à l'heure que j'avais écouté un film... il y a quelques années, en fait, concernant les wipers, justement. Mm-hmm. Puis je pense que je viens comprendre pourquoi c'était un homme lors du film, dans en fait. Film, ouais. Ce n'était pas les wipers, c'était vraiment le petit moteur électrique qui faisait fonctionner les wipers qu'il avait inventé. T'imagines, sous la pluie, t'es obligé de tirer sur le levier puis conduire en même temps, t'es café dans l'autre main. À un moment donné, il y a juste les femmes qui auraient pu conduire à ce moment-là. Parce que les hommes ne sont pas capables de faire deux choses à la fois, tout le monde le sait. C'est comme une anti-pin, mais une pin pour les hommes. Je me pine moi-même, fait que ça me dérange pas. Mais je comprends ça. Ensuite, les couches jetables. Couches jetables. Qui ont été inventées par les femmes, c'est tout à fait vrai. Marion Donovan aimait pas ça, le dégât. lorsqu'on change les couches, elle a breveté les boater en 1951. Les boater, donc c'était un recouvrement pour les couches de tissu. C'était à l'épreuve de l'eau, c'était fait à partir de rideaux de douche. Okay. Ça a été vendu au début chez Saks Fifth Avenue. Ensuite, Donovan a vendu le brevet à la corporation Kiko pour $1 million. Et ensuite, elle a créé un modèle complètement jetable plusieurs années plus tard. Et Pampers est né en 1961. Tu veux savoir à quoi ça me fait penser, ça? Quoi, non? Ça me fait penser aux mouchoirs que les personnes un petit peu plus âgées utilisent habituellement. Oui, exactement, réutilisables. Et ça me lève toujours autant le cœur. Malheureusement, c'est la couleur. C'est la couleur. Et la texture. La texture et le principe. Et juste l'apparence de quand ils le font. C'est le mouchage dans le mouchoir qui est dégueulasse. Oh mon Dieu, mais c'est parce que le rongé, après ça, tu le sais qu'il se passe de quoi dans ce mouchoir-là. Ouais. Tu le sais que ce qui s'est passé, là, c'est pas net. Non. C'est ressorti 2 heures plus tard. On dirait qu'il se mouchait moins souvent, fait quand il le faisait, ça venait plus profond. C'est le genre, il fait exprès. C'est le genre d'histoire-là. à 7h15. Bon déjeuner, ben oui. Ça, hein? Bon appétit tout le monde. Les jaunes d'œufs, là. Ensuite, on parle toujours en passant des choses que les femmes ont inventées et qu'on savait pas. On continue avec le lave-vaisselle. Breveté en 1886, le premier lave-vaisselle combinait une haute pression d'eau, une roue, un boiler, donc qui fait bouillir l'eau, un ébouilleur, je sais pas. Et un rack comme on utilise aujourd'hui pour faire sécher la vaisselle. L'inventeur était Josephine Cochrane, qui l'a jamais utilisé elle-même, mais ça a rendu la vie plus facile pour ses serviteurs. Oh mon Dieu. Ah, ben ouais. Hey. Ensuite, tantôt justement, quand t'as parlé des wipers, je me suis dit, hey, t'as peut-être mal entendu, c'était peut-être le liquid paper. Ou t'as juste mal traduit parce que tu n'es pas bon en anglais, Antoine. Oui, oui, je l'assume. C'est possible, t'sais, les deux, c'est la confusion est facile. Non, mais le prochain, c'est vraiment le liquid paper. À l'époque, avant qu'on ait la touche backspace ou delete ou peu importe, la secrétaire Betty Nesmith Graham utilisait une peinture blanche pour couvrir ses erreurs de frappe. Elle a ensuite passé plusieurs années à perfectionner la formule dans sa cuisine avant de breveter le liquid paper en 1958. Elle s'est fait racheter sa compagnie par Gillette. Gillette. La perfection masculine. En 1979 pour 47,5 millions. Imagine la première fois que son patron a reçu, disons, un papier officiel ou que ce soit avec de la peinture blanche. C'est révolutionnaire. Oui, ben, bête, je pense qu'on va devoir parler. Là, ouais, parce que... c'est ça. Parce que là, tu sais, je te paye pas pour faire du bricolage, voilà. Là. J'imagine juste la secrétaire qui bon, oh non, j'ai fait une faute. Oh, qu'est-ce que je fais? Elle regarde un peu partout dans le bureau, puis oh, elle voit la canisse de peinture. Hey, toi, viens ici. Ah, oh boy. Ah, mais c'est comme de la gouache. Oui. C'est le même genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est ça. Justement, parlant de choses pour enfants, parlons maintenant de blocs alphabet. Tu sais, les blocs ABC, là. Les blocs ABC. Tu sais, là, les enfants jouent avec ça, ils empilent leurs blocs. ABC. Easy as one, two, three. Tous les deux des fans de Michael Jackson. Écoute. Les enfants, voilà, ne lisez pas de livres avant que l'auteur Adeline D.T. Whitney, qui était je crois qu'elle était anti-vote pour les femmes, ouais, anti-suffrage, ouais, exactement. Les blocs qu'elle a inventés ont été brevetés en 1882. Et aide toujours les enfants à écrire, ben, peut-être pas à écrire, mais au moins à connaître leurs lettres. À comprendre, c'est exact. L'écriture de reconnaître le A, le B, le C. Il y en a 26 là-dedans, je pense. Ah ben. Ensuite. Parlons d'une série de tests qu'on appelle le pointage de Apgar, APGAR. Nommé en l'honneur de l'anesthésiologiste obstétrique Dr. Virginia Apgar en 1952, elle a commencé à tester en fait les nouveaux-nés. Ouais, 1 minute et 5 minutes après la naissance pour déterminer si vous avez besoin besoin de soins spéciaux. Oh. Je vais l'avoir. Environ 10 ans plus tard, la communauté médicale a créé un backronyme, c'est-à-dire un acronyme qui fit avec un mot qui existe déjà. OK. Tu sais, comme t'as un mot Apgar, qui veut rien dire, c'est un mot, puis là tu décides que ça va rétroactivement devenir un acronyme. Et retenir la raison d'être de ce test-là. Okay. Appearance, pulse, grimace, activity, respiration. Donc, l'apparence, le pouls, la grimace faciale, l'activité de l'enfant et la respiration. Apgar. Mais quand même, faut le faire d'avoir un nom qui fit avec un acronyme comme ça. Apgar, puis ça sonne bien. Oui. Ça sonne pertinent, ça sonne scientifique. Moi, j'ai envie d'embarquer dans ce projet-là. Moi aussi, soudainement, je veux savoir si j'ai une bonne apparence, un fou et ma grimace. C'est ça, moi, c'est mon apparence qui fitait pas dans le... c'est ça, le matin même. Hein. C'est ça. Hein. Ensuite, les signaux marins. La communication entre les bateaux était limitée à l'époque à des drapeaux de couleur, à des lanternes et à des cris. Tu sais, on entend souvent le « Darcy Blow! » Hey, oh! Timber! Donc, Martha Caston, peut-être pas celle-là. Martha Caston n'a pas eu l'idée de ces signaux, de ces espèces de feux de signaux elle-même, mais elle a trouvé les plans dans un carnet qui appartenait à son mari qui était décédé. Donc, elle était déterminée, cette veuve-là. Elle a passé 10 ans à travailler avec des chimistes et des experts en pyrotechnie pour faire de cette idée-là une réalité, les feux d'urgence. Elle a été nommée administratrice dans le brevet de 1859, mais c'est M. Caston qui est crédité en tant qu'inventeur, même si en tant que tel, c'est qu'il l'a accompli. Mais c'est ça que je me demandais tantôt, parce que quand t'as embarqué sur le sujet, dans ces années-là, les femmes étaient peu présentes en fait, sur les ponts de bateaux. Fait que j'aurais été quand même vraiment surpris que ça soit elle, même en sachant pertinemment qu'elle peut avoir l'idée. Mais reste quand même que si elle n'est pas là, elle peut pas y avoir. Même si le gars il a eu l'idée, là, c'est lui qui l'a exécuté l'idée. Mais non, c'est crédits, elle. Parce que tout le monde dit ça, ah, j'aurais pu inventer ça. Ouais, l'as-tu fait? Ouais. Non. C'est ça. Voilà. Ensuite, celui-là pourrait vous surprendre, encore une fois, parce que vous êtes sexiste sans le savoir. C'est la scie circulaire qui est inventée par une femme. La scie circulaire. Ouais. Fais-moi pas de blague sur le fait que c'est une circulaire, là. C'est moi qui l'ai fait avant. C'est une circulaire. Je disais, c'est la folie du couponing qui a commencé à cette époque-là. Non, donc la scie circulaire, c'était Tabitha Babbitt. J'adore ce nom-là. Était la première à suggérer donc, que les travailleurs du bois utilisent une scie circulaire à la place de la scie à deux personnes, qu'on tirait, qui coupait seulement d'un sens, puis qui revenait de l'autre bord, puis qui coupait d'un sens. Elle a fabriqué un prototype et elle l'a attaché à une roue en 1813. Et la communauté des Shakers n'approuvait pas à l'époque ce brevet-là, mais quand même, ils ont profité de l'invention. Parce que Colin, ça marchait. Ils ne l'ont pas approuvé, mais ils s'en ont saisi, donc... C'est ça. Ensuite, étrange celui-là, la laisse à chien rétractable. Étrange? Ben non, c'est la plus belle invention au monde, ben ça. Oui, là. Parce que là, tu te fais pas traîner par ton chien, c'est qu'il bosse. Ben non, c'est ça. Tu fais comprendre à ton chien, c'est qu'il bosse. Ben exactement. Donc, la propriétaire de chien de New York, Mary A. Delaney. Delaney. Je sais pas si elle est parente avec Mme Delaney à la GQTR, on sait pas. Mme vice-présidente aux affaires, aux communications, en fait. Peut-être. Oui. Celle que je trouve qu'il devrait y avoir un prix à chaque année, le prix de l'année, tu sais. Oh, un jour. Elle pourrait laisser ça en héritage, hein, pour les prochains membres de l'AGE. Bref, elle a breveté la première laisse rétractable en 1908. Ça s'attachait au collier du chien. Ça a gardé les chiens sous contrôle, bien sûr, tout en donnant la liberté de marcher un petit peu partout. Quelqu'un nommé R.C. O'Connor a breveté le premier harnais pour enfants. Exactement 11 ans plus tard. Coïncidence? Mais bon, on sait pas. Hein. Probablement pas. Ensuite, le télescope sous-marin. Ouais. Donc, c'est difficile de trouver des informations par rapport à l'inventeur Tristress, Sarah Mather. C'est une combinaison entre un télescope sous-marin et une lampe pour les sous-marins. Tout ça breveté en 1845. J'y connais rien. Hein? Bon, je peux pas avancer sur le sujet, mais encore une fois, en fait, je vais ramener l'argument de en 1845, les sous-marins. Je pense que c'était plus les hommes qui œuvraient dans ce milieu-là, à savoir Madame Mather. C'est qu'elle faisait là. Ouais, qu'est-ce qu'elle faisait là, mais en même temps, on est très heureux qu'elle ait été là. Absolument. Et il y a peut-être un lien, là, peut-être que son mari était lui aussi. Il y a des bonnes chances. Mais quand même, tu vois, c'est elle qui a eu l'idée, c'est elle qui l'a fait. Finalement. C'est incroyable. Ensuite, le lit pliant. Oh! Ouais, c'est Sarah E. Good. Son lit pliant qui ne faisait pas que maximiser l'espace dans les petites maisons. C'est qu'en 1885, ça a fait d'elle la première afro-américaine avec un brevet américain. C'était donc un bureau qui se transformait en lit. Un bureau fonctionnel là, sur lequel tu travailles pendant la journée. Ensuite, tu le dépliais. Mais voyons et donc. Tu couchais dessus. Wow. Et puis plus tard, là-dedans, est venu le Murphy Bed, le lit qui sort du mur, 15 ans plus tard. Mais ça, c'est pas elle. Non, ce n'est pas elle. Il y avait Sarah E. Good, puis Sarah E. Better, puis Sarah E. Best après. Non, c'est pas vrai. C'est un gag linguistique. Un très bon gag linguistique, merci, on l'aime. Merci. On continue toujours dans la liste des femmes qui ont inventé des choses avec. Ça va plaisir aux environnementalistes. Oh, c'est vrai. La maison solaire. C'est la biophysicienne Maria Telkes qui a créé la première maison 100% solaire. C'était en 1947. Elle est hongroise. Elle a inventé une génératrice d'électricité thermoélectrique pour fournir en électricité la Dover House. C'est donc une structure en forme de genre de triangle qu'elle a conçue avec l'architecte Eleanor Raymond. Elle est aussi une femme, Eleanor, quand même. On a utilisé du sel de Glaubert pour emmagasiner la chaleur en préparation des jours plus maussades où il n'y a pas de soleil. La Dover House a survécu pendant presque 3 hivers au Massachusetts avant que le système finisse par abandonner. Mais quand même, 3 ans. 3 ans. 100% solaire. C'est excellent. Ouais. Ensuite, le Scotch Guard. Scotch Guard, je crois que c'est un produit de nettoyage. En 1952, c'est la chimiste chez 3M, la compagnie du papier collant et un paquet d'autres produits comme ça, les petits crochets sur les murs. Patsy Sherman a renversé quelque chose de fluorochimique sur le soulier de son assistant et ça voulait pas partir. Donc, sans changer la couleur du soulier, la tache repoussait quand même l'eau, l'huile et d'autres liquides. Donc, Sherman et son co-inventeur Samuel Smith ont appelé ça Scotch Guard. Donc, c'est un truc que tu mets sur ton soulier pour empêcher les dégâts, pour empêcher l'eau de rentrer. Un imperméabilisant. Exactement. Ah, ça. Wow, c'est vraiment cool. Oui, Scotch Guard. Je connaissais pas le nom, mais je savais que le principe existait. Oui. Parce que je suis en train de magasiner des bottes, puis apparemment que l'eau passe. Des fois. Fais attention, ça je pourrais t'en parler longtemps. Ouais, on s'en parlera. Ensuite, le verre invisible. C'est Catherine Blodgett qui était la première scientifique femme chez General Electric GE. qui a découvert une façon de transformer une espèce de couche monomoléculaire en verre et en métal en 1935. Donc, le résultat était une vitre qui éliminait la distorsion et le reflet. Ça a révolutionné les caméras, les microscopes, les lunettes et plein d'autres choses. Donc, le verre invisible. Incroyable. Fort, hein? Incroyable. Et pour terminer la liste des choses qui ont été inventées par des femmes, parlons simplement des ordinateurs. Les femmes dans les ordinateurs ont une modèle, Grace Hopper, elle et elle en français, et Howard Aiken ont créé l'ordinateur Mark One à Harvard. C'était une machine de la grosseur d'une pièce et ça pesait 5 tonnes. C'était en 1944. Hopper a inventé le compilateur qui transformait le langage écrit en code d'ordinateur. C'est elle qui a inventé le terme bug et debugging. Ouais, lorsqu'elle a dû enlever des insectes littéralement de l'appareil. En 1959, Hopper faisait partie de l'équipe qui a développé le COBOL, qui est un des premiers langages de programmation moderne. COBOL. Donc voilà, des femmes qui ont accompli bien des choses. C'est le fun, hein? C'est rafraîchissant ce matin d'apprendre tout ça. C'est beau ce mot-là. Oui, rafraîchissant. Ouais. Ça fait du bien, c'est en fait, de se rendre compte, en fait, que les femmes ont fait beaucoup plus qu'on aurait pu l'imaginer. Surtout dans des domaines. Des domaines surprenamment masculins. Typiquement masculins, exact. Mm-hmm. Non. Bien d'accord. On va continuer tantôt avec une autre petite liste, et celle-là, je l'ai vraiment choisie pour toi. Ça va être des conseils pour se trouver un colocataire. Oh. Tantôt, mais pour l'instant, on prend une pause. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 10h. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. I feel it every day, it's the same. think I can make it. C'était Sons avec Make It Real à Assemblage Rocky. Nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est toujours Assemblage Rocky. Maintenant, on continue ça avec une autre petite partie d'une liste dans son foutu palmarès. C'est là qu'on était rendu. Et il y a quelques temps, le New York Times, nos amis du New York Times, on partageait un article sur les questions à demander à quelqu'un avant de te marier. Je me disais, OK, bon, pour notre public universitaire, jeune, fringant, buveur de fuck-top, c'est peut-être pas nécessairement l'affaire la plus appropriée. Donc, on a transformé ça, grâce à apartmenttherapy.com, en une liste de choses à savoir ou à poser comme question avant de te pogner un coloc. Un colocataire. C'est important, ça. Ben, c'est comme un couple en tant que tel. Ben oui. Il peut y avoir beaucoup de petites tensions qui se coupent au couteau. Hein? Oui. Voilà. Pour commencer, tiens, le premier test, et je vais te demander ton avis, parce que t'es en situation de coloc. Je suis en colocation avec deux personnes, oui, en ce moment. Donc, est-ce que ça va rester? Est-ce que ça continue comme ça? Non, malheureusement, je pars seul en fait en juin, donc oui, merci. T'es-tu gradu? Pas mal. Ah, ça fait du bien. Commençons par à quelle température est-ce que tu mets le thermostat? Parce que tu sais, il y a des fois le thermostat il se met tout seul, t'as pas le contrôle, mais quand t'as le contrôle, puis qu'un veut se frette, l'autre veut se chaud. Ben, faut savoir que... Moi, à la base, on a le chauffage inclus à l'appartement. Oui, ben, donc, ça, c'est plus pratique. Ouais. Oui, monsieur, exact. Mais quand même, la chaleur de l'environnement, ça peut être déplaisant. L'autre ça personne peut être déplaisant, oui. Ouais. Mais écoute, je me rappelle que à mon appartement, on marche avec des caillots. Puis, ouais. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est beau, ça, hey, ça donne du cachet. Mais le problème, c'est que le propriétaire, lui, il chauffe, il y a pas de problème. Lui c'est de l'eau chaude, il y a pas de problème. Ben, exactement, ça coûte pas cher à faire. Puis, je peux garantir qu'à moins 30, nous, il faisait 25-30 degrés dans l'appartement. On est obligé d'ouvrir les fenêtres tellement qu'il fait chaud. C'est ben trop chaud. Ah. Okay. Je savais pas que c'était aussi chaud que non, ça. Non, c'est. Oui, c'est désagréable. Oh. Ah, boy. Bref, moi, j'aime bien ça à 19 degrés chez moi. À 19 degrés. 19-20 degrés, tu sais. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir un 19-20 degrés. Assez frais ouais. Pour être confortable, ben, agréable. Tu peux prendre une couverte, mettre ça à tes exactement, pieds. Exactement. Tu sais, mettons le petit cocooning dans ton salon, tu prends une grande couverte, une grosse couverte, puis oh, t'es bien. Parce que s'il fait trop chaud, ta couverte, t'en veux pas. C'est dégueulasse. Au contraire, s'il fait trop froid, ben là. J'ai tendance à avoir chaud facilement aussi. 19 degrés, moi, j'embarque. Ouais, good. Comme good. On veut pas de coloc, mais quand même. faut faire des compromis là-dessus. Ensuite, tiens, comment est-ce qu'on va s'occuper du loyer et des factures? Toujours difficile à déterminer, donc c'est une bonne idée d'établir avant d'aménager qui va payer comment et qu'est-ce qu'on se renvoie dans quel compte. Donc une bonne idée d'établir aussi des dates peut-être pour les paiements, oui, est-ce que tu payes le premier du mois. C'est jamais facile ça, c'est jamais facile. Non? Autant en couple qu'en coloc. Oui, ben oui, mais en couple au moins il y a quand même la possibilité de dire « Ok, ben écoute, moi j'ai payé ça, toi tu me dois ça, blablabla. » Mais courir après l'argent, après les personnes par exemple, tu mettons mes colocs, ça doit être mes amis, ça doit être des personnes que j'apprécie énormément, mais à un moment donné, quand t'es obligé de créer une tension par rapport à l'argent, par rapport à... Écoute, ouais, là, tu le sais que j'aime pas ça courir après l'argent. Oh non, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir ton argent. Oh ben. C'est où, là, hein? Mais exact. Ah, c'est pas facile. Pas le fun. Non. Ensuite, tu sais, est-ce que t'aimes recevoir des gens à la maison? C'est une bonne question qu'on pourrait poser à un coloc, parce que c'est du genre, toi, cocooner avec la serviette entre tes pieds, avec la couverte entre tes pieds, et que l'autre, elle invite tout le temps du monde à se faire une fricassée. Mais. Mettons pour moi, pour mes deux dernières années à mon appartement, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Est-ce que vous êtes tout le monde des jeunes party ou pas? Non, au contraire, okay. En fait, on est toutes des personnes qui sont très très bien dans leurs affaires. On brasse pas trop de tu sais, un ami, deux amis par fin de semaine, puis prendre une petite bière, après ça on sort au centre-ville, puis. Non. Bonne chose. Exact. Sinon, peut-être au pire, si tu vas accueillir des gens, peut-être demander un préavis. Hey, exactement. Un petit 30 minutes. Il y a toujours. Oh, ben, un petit 30 minutes. Moi, c'est tout le temps une journée d'avance. Ouais, puis, hey, ça dérange juste si telle personne vient, puis. Non, pas de problème, invite-les. Puis, limite, mon coloc, lui, il est bien chumé, très social, puis il trippe à avoir du monde à l'appartement. Ouais. Fait que, même s'il en invite pas tant souvent, il va tout le temps se décider à faire comme, ben non, pas de trouble, hey, viens-t'en, puis amener de la bière, on va avoir du fun, puis. Oh, ouais, même chose avec quelqu'un comme une date. Mettons, ça pourrait être la prochaine question. Qu'est-ce que tu fais quand tu ramènes une date? La date. Hein? La date. Ça, c'est le plus gros struggle que je pourrais avoir, mettons. C'est ça. Parce que, tu sais, invite une fille chez toi, quand tu vis avec deux personones qui sont totalement étrangères à la personne en question, ça peut être malaisant, ça. Est-ce que ça peut être une question de jalousie aussi, que tu penses qu'elle va finir avec l'autre? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit, ça, malheureusement. Mais non, juste faire un beau repas romantique. Achète une bouteille de vin, mets des chandelles, super beau, super propre. C'est déjà arrivé, mettons, qu'une fille arrive chez nous, on s'assoit à table, on passe un super beau moment. Mon coloc travaille de nuit, lui. Fait que... il se lève à 8h le soir, parce qu'il a fait une sieste avant de travailler. Mm-hmm. Il se lève à 8h le soir en chess, puis ma douche est dans la cuisine. Ah fait oui, lui, il arrive charmant. Avec sa serviette, fait comme, bon, ben salut tout le monde, on va dans la douche. Pis, désolé. Ah, le beau malaise de, hey, salut, content de te voir. Un excellent sketch. Des pip. Est-ce que vous avez le petit conseil de mettre un boss à la poignée, sinon, tu sais, là, pour pas que le gars rentre parce que t'es en date? Ah non, mais ce principe-là, il est pas plus quand il y a des débats amoureux. Ouais. Ben non, habituellement, je pense qu'on se comprend assez bien. Quand la porte est fermée, puis on pose pas de questions à savoir qu'est-ce qui se passe dans la chambre. Vous êtes assez bruyant pour que ça s'entende dehors. J'espère que non. comment est-ce qu'on sépare les tâches aussi, les tâches ménagères, par exemple? Donc la salle de bain, la cuisine, peu importe. Mais vois-tu, en ce moment, comme je l'ai mentionné, je m'en vais en appartement tout seul, puis c'est pas pour rien... Tu vas faire toutes les tâches toi-même. Hein? Chers auditeurs, assurez-vous d'avoir une personne qui est compréhensif par rapport à la disposition des tâches. Ça, c'est qui se ramasse aussi. Mais qui se ramasse, mais à un moment donné, on faut en prendre, faut en laisser. Faut apprendre à vivre, à cohabiter ensemble, parce que de la colocation, c'est ça, c'est de la cohabitation. Mais c'est ça, disons, de la vaisselle, moi personnellement, je l'ai tout le temps dit, de la vaisselle propre, ça peut traîner sur le comptoir, ça me dérange pas, c'est propre. Oui, dans le rack là, à sécher, peu exactement, importe, exact. Mais si par exemple, moi j'invite des amis, j'invite de la famille à venir à l'appartement, puis hop, oh, rentre dans la cuisine, c'est bourré de vaisselle sale, de collant, c'est... Fourmi, je me suis jamais encore rendu là, puis non, heureusement, non, chance. Malheureusement. Yark. Ensuite, justement, tiens, parlons de conflits. Ça peut être n'importe quel autre conflit qu'il peut y avoir. Donc, comment est-ce que la personne gère les conflits? Ça peut être une question à poser. On est dans la liste en ce moment de questions à poser avant de collaborer, de cohabiter. Une personne qui est ouverte d'esprit. T'as besoin d'avoir une personne qui va te regarder, qui va dire « Je comprends. » Puis, mettons, « J'aime que tu me le partages. On va pouvoir s'améliorer ensemble. » Oui, c'est ça. On rêverait tous d'une personne comme ça. Une personne ouverte d'esprit qui est capable d'accepter ses torts et qui construit... meilleure relation à travers ça. Tellement d'accord. Tu veux pas te mettre à écouter tout le monde en parle, puis là, soudainement, tu peux pas l'écouter parce qu'il est en train de chialer sur ce qu'il est en train de se dire. Ben non, ben exactement, c'est ça. Tu sais, faux dialogue. comment est-ce qu'on va s'occuper de la décoration ensuite pour être un prochain facteur lorsque tu emménages? Qui est responsable pour décorer, peinturer, choisir qu'est-ce qu'il va y avoir ses murs? Moi, vois-tu, je suis pas tant décoration. Je suis pas tant... Peinture, moi, je rentre dans un appartement, puis... C'est blanc. Je vais mettre des choses par-dessus. Rentre dans ma chambre, il y a des raquettes en babiche accrochées sur le mur, puis pour moi, c'est une belle décoration. Ça plairait pas à tout le monde, j'en suis conscient, mais non, j'ai jamais eu le réflexe de dire « Ok, ouais, non, je pourrais avoir mon mur orange, là, mon mur turquoise, ça serait beau, un beau mélange de couleurs, puis non, moi, c'est du blanc, on conserve ça comme ça, puis même si je rentrais dans un appartement incroyable avec des murs, avec la couleur un petit peu moins portée, disons... Mm-hmm. Tu le laisserais comme ça. Je le laisserais comme ça, bah ouais. Moi, j'ai fait l'entre-deux, je suis arrivé, je trouvais pas les couleurs belles, j'ai commencé à faire la première couche de blanc, puis après ça, on a abandonné, puis c'est encore comme ça. C'est vrai, mais là, en ce moment, c'est blanc. C'est encore sur le. Les trous sont patchés, puis il y a du tape, c'est encore bon. Je déménage en passant. Ah, tu déménages? Ouais, ok. Encore. Wow. Je sais, j'ai même pas eu l'opportunité de finir ma peinture. Mais c'est pas grave. Ben, ton propriétaire, tu dis de quoi ou. C'est pas encore. Il sait pas encore. On dira pas trop fort. Salut! ensuite, de quoi a l'air votre horaire? Tu l'as dit justement, quelqu'un qui travaille de nuit puis qui sort prendre sa douche à 20h, bon, peut-être que si on sait d'avance, on peut s'organiser autour, mais si tu sais pas, ça pourrait prendre par surprise. Mais faut le savoir, c'est ça. Faut le savoir. Puis je pense que c'est important d'avoir un petit pep talk avant de commencer une colocation d'au moins un an. Oui. Quand tu t'assois avec la personne, tu lui dis, OK, toutes les questions qu'on s'est posées là, bien important de les poser. Hein. Oui. C'est OK, t'es quel genre de personne? Est-ce que tu te ramasses? Évidemment, il n'y a personne qui va dire, non, je suis un trou de cul. C'est inquiète-toi ça. Pas. Il n'y a tu personne qui fait ça. Non, exactement, c'est ça. Je suis un porc, mais. Je suis une bonne personne. Ben, exactement, je vais te faire rire. Fait que... J'ai une belle personnalité. Exactement. Aussi, peut-être avoir deux horaires qui sont complètement différents. L'article de Apartment Therapy mentionne quelqu'un qui a un horaire de jour et l'autre de soir. Comme ça, tu te trouves le moins souvent ensemble. Ça pourrait être bon pour coloc, non? Oui, ben écoute, c'est c'est intéressant quand même parce que moi, je le vis. Je le vis souvent, en fait. Mon colocataire est étudiant à l'UQTR, mais travaille de nuit dans les bars, donc comme portier. Mm-hmm. Fait que... Bon, on se croise moins souvent, parce que souvent, il va dormir le jour, il va aller à ses cours, il va revenir. Puis c'est ça, moi, je suis pas un couche-tard non plus. Je vais sortir une fois par semaine, prendre une bière jusqu'à 11h, minuit, j'allais me coucher après ça, puis je vais être bien content. Si je me lève à 8h le matin, je suis détruit pendant deux jours. Fait que imagine quand tu lèves à 5h15, comme aujourd'hui. Parle-moi-en pas. Tu fais des matins à Chasse-Galerie des fois, non? Oui, je fais des matins à Chasse-Galerie. Donc, t'as l'habitude de te lever tôt. Je peux pas dire parce que c'est deux fois par semaine. En fait, je pourrais jamais dire que je suis habitué de me lever tôt. Ouais. Non. Je déteste tout le temps autant ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent: ah, mais t'es tout le temps heureux le matin, t'as tout le temps. Ouais, non, les 30 premières minutes, je suis pas heureux. C'est comme la première demi-heure d'assemblage requis. C'est la même chose. C'est du fake. Quand on s'en fâche dans nos mots. Ensuite, on parle toujours de la liste des questions à poser à un futur colocataire, peut-être. Le bruit. Est-ce que tu as une bonne tolérance au bruit? Est-ce que ça te dérange si quelqu'un regarde la télé le soir pendant que tu essaies de dormir? Mais ça, c'est drôle parce que mon appartement, de la manière que c'est conçu, on vit tous les deux, moi et mon coloc, dans un salon double, en fait. OK, wow. Dans un salon double. Faut savoir que nos chambres mesurent 14 pieds de large sur 18 pieds de long. Wow! C'est l'équivalent d'une chambre et d'un salon à chacun. C'est comme un loft chaque. À peu près, en plus d'un autre salon. Puis c'est très grand, c'est très beau, c'est très chaleureux. C'est pas un 8,5? Non, c'est un 5,5. C'est un 5,5. Un énorme 5,5. Oui, un énorme 5,5. Mais c'est ça, en fait, ça, on a des portes françaises. Oh, wow! Des portes françaises en plein milieu qui séparent nos deux chambres. Chauffage à l'eau, portes françaises. Oui, non. On les a condamnés, évidemment, parce qu'on veut avoir notre intimité. Oui. Mais veux pas, il y a toujours la petite fente en dessous, en fait, qui laisse quand même passer le bruit. Fait que moi aussi, mon coloc arrive à 3h, 3h30 du matin, qui décide de mettre un film, qui décide de mettre de la musique pour telle ou telle raison, parce qu'il arrive pas à dormir, parce qu'il est encore sur le hype, il s'est pogné avec quelqu'un cette soirée-là. Ben, j'ai pas le choix d'assumer le fait que... Achète-toi, il faudrait que ça soit des écouteurs, sérieusement, mais non? J'ai des pas écouteurs. Toi, non, mais pas toi, lui. Écouter un film, si lui décide de dormir, parce qu'il y a des écouteurs, mais en même temps, tu décides de te coucher, d'écouter un film juste pour te changer les idées en même temps, ça peut être bénéfique. Écouter un petit film en même temps, puis juste penser à rien d'autre que les paroles, là. Mais c'est ça, avec des écouteurs, ça va moins bien, c'est moins confortable. Ouais, ok. C'est pour ça que j'aurais jamais le collègue. Je te comprends. Pour terminer. Oui. Pauvre toi. Et pour terminer, qu'est-ce que tu penses des animaux de compagnie? Ça pourrait être une bonne question à poser à un futur colocataire. Est-ce que ça te dérange d'avoir un chat, allergie? Mais c'est drôle parce que depuis en fait que j'ai fait mon annonce pour en fait louer ma chambre exactement sur Facebook, il y a plusieurs personnes qui m'ont relancé en mentionnant qu'ils avaient par exemple des chats, des chiens, puis savoir en fait s'il y avait la possibilité de l'appartement où je suis actuellement accepte les chiens, tolère les chiens. Par contre, vivre avec deux autres personnes, c'est prendre la chance que certaines personnes chialent à un moment donné. Puis dans ma condition à moi, je suis au centre-ville. C'est moins pratique pour avoir un chien parce que à 3h, 3h30 du matin, pour situer les gens, pour les personnes qui connaissent un petit peu le temple, je suis juste en face. Moi, à 3h du matin, quand il y a une sortie des bars puis que t'as le gars trop chaud qui décide d'aller dans ruelle en arrière, c'est moi le premier à l'entendre, ce gars-là. Fait que pour ceux qui cherchent une chambre... qui cherchent une chambre tout près du temple, si vous êtes des sorteux, il y a une ouverture. Ça vaut la peine. C'est beau, c'est bon, c'est pas cher, c'est... T'as pris ça pour ça, hein, parce que c'était beau, bon, pas cher, pas parce que c'était situé là? Au début, ça m'a traversé l'esprit de me dire, Colin, centre-ville, ça rime avec bière, ça rime avec stimulant. Ambiance vivifiant, mais non. En fait, après 2 ans, je peux dire que... Tu t'es calmé. Si j'ai envie d'aller au centre-ville, je vais aller au centre-ville, faire mon petit tour, puis je vais retourner chez nous tranquille, puis je vais être correct comme ça. Je vais bien dormir. Tellement. Parce qu'à 3h, 4h du matin, quand t'as quelqu'un qui arrive... T'as juste un goût de sortir, faire « Hey, ferme ton tête! » Mais malheureusement, tu le sais que la personne, dans l'état où elle va probablement juste t'envoyer paître. Ah, pas mal donc, ça. Donc oui, il y a des bonnes chances. J'ai jamais pris la chance. Ça me rappelle aussi quels critères regarder pour les logements. Genre, pas centre-ville, pas de chien accepté. Tu veux pas avoir des chiens qui jappent non plus. Mais pas centre-ville. Mais pas centre-ville? Ça dépend où. Ah, ça dépend du centre. Je suis au centre-ville dans Saint-Sacrement en ce moment. Saint-Sacrement, c'est périphérie, correct. J'adore ça. Exactement, t'es en périphérie, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais downtown centre-ville, vraiment, le centre boulevard des du centre. Rue des Forges. Mais moi, c'est Art. Je suis sur Art, donc... Ça croise le déforge, ça. Ben oui, en fait, on croise. On est pas mal là. Fait que je déconseille aux auditeurs d'emménager dans un appartement dans ce coin-là. Et cela étant dit, sa chambre est à l'eau. Oui, malheureusement, je suis pas un bon vendeur d'envie, madame, monsieur. Non, mais tu sais, hein, tu vas avoir quelqu'un qui aura pas écouté ton émission assez fou ce matin. Hein? voilà pour son foutu palmarès. La liste est sur assemblagerequis.com. Dans quelques minutes, en fait, tantôt à 8h, on va avoir Marc Gagné qui est là pour sa chronique. On le voit dans la porte. Yes! Hey, salut Marc! Ça va, ça? Hey. On fait ça une fois de temps en temps quand Marc passe. On aime bien entendre son band d'Ibou-Ibou. Hein? Fait qu'on écoute Couleur néfaste sur le palmarès francophone. Vous êtes à Assemblage Requis. Vous êtes assez fous. 89.1 entrée de Soccer Mommy avec Cool. Assemblage requis, toujours avec Antoine Lapointe Ricard. Ouais, bonjour tout le monde. Qui remplace Tania aujourd'hui. Et maintenant, on accueille Marc Gagné qui a remplacé Tania la semaine passée. Donc, un petit retour. On remplace Tania dans le fond. C'est on ça, vraiment. Tania est plus là. Elle Tania. Est passée. Ah ouais, c'est ça. Hey, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. On t'entend très bien. On t'entend peut-être même trop bien, je trouve. Yes! C'est comme c'est agressant tellement qu'on t'entend. C'est moi qui prends le déçu. Donc, Marc, t'es arrivé alors qu'on était en train de parler de l'article qu'on a mentionné tantôt sur la colocation. La colocation. Ouais. C'est vrai que la communication, c'est un truc qui rentre dans plein de bonnes choses, tu sais. Fait que, ouais, ça sert à de quoi. Mais faut, tu sais, il y en a qui s'accoutument, tu sais, puis il y en a, tu sais, des fois, tu sais. C'est une question de compromis. C'est une question de compromis, la colocation. Ben, tu sais, c'est comme si tu vivais en couple, mais tu sais, sans les relations sexuelles, tu sais. C'est ben, genre. Dépend, la, la communication, des fois, c'est ce qui saute bien un couple. Ouais, ça pourrait être la même chose avec la colocation. Ça pourrait mener t'sais. Quelque chose de durable, la colocation, ben oui. On sait pas. La communication et la colocation. Ça, finir ensemble pour toujours. Parce que après ça, quand t'es plus coloc avec, tu t'ennuies, tu sais, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Ben, c'est fun parce que tu peux l'inviter une fois de temps en temps. Ouais, exactement. Moi, c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis avec mon coloc actuel. Je me dis, ben écoute, j'allais à mon 3,5. Puis une fois que j'allais dans mon 3,5, je vais l'inviter quand il va arriver une fois par semaine chez nous. Je vais être content de le voir. J'en profite. Ouais, c'est ça. Tu vas dans ton nouveau 3,5 post-centre-ville, pas avec des chiens permis. Ah non, non, exactement. La sainte paix. Pas de Soulon autour, Rick, quand même. On a tous nos problèmes, mais on les dira pas toutes parce que sinon, les gens vont savoir de qui on parle. On va en avoir pour toute la journée en plus. Oui, il fallait parler de problèmes à tous les jours. Non, mais Matt, par contre, je précise que j'adore mon coloc. Oui, oui. Je l'adore d'amour. Marc aussi adore son coloc. Ah ouais, j'adore mon coloc. Ça a l'air vrai. Oh mon Dieu. Moi, j'y crois. Ouais, moi aussi. Ça fait juste confirmer que j'aurais jamais de coloc. J'en ai jamais eu, j'en aurai jamais. T'en as jamais eu? Jamais eu de coloc. Moi, j'ai une longue vie là-dessus. Ouais, ça me surprend. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé à en prendre des appartements vraiment pas chers, genre demi-sous-sol. Bon, 1,5, 2,5, une chambre? Non, c'est une chambre, pas mal. Okay. J'avais pris un appartement. Ouais. J'ai eu deux fois des 1,5 qui étaient genre à 300 chauffés éclairés. Okay, c'est genre. Oh, ouais. T'sais, c'est bon. Ça ou un coloc où tu payes pas mal 300 avec le chauffage et l'appartement. Ouais. Mais j'étais tout seul, j'étais bien content. Ah, je comprends. J'ai vécu un demi-sous-sol avec du tapis. Ah, c'est bon, c'est dégueulasse. J'ai vécu un et demi dans la petite Pologne. La petite Pologne. C'est un quartier un petit peu délabré. La vieille petite Pologne. Ouais, ouais. Mais les appartements sont beaux, c'est ce que je me suis fait dire. C'est des beaux logements. Le mien, c'était littéralement, t'avais comme le minuscule salon, la minuscule cuisine et la salle de bain entre les deux. Mais tu pouvais quasiment toucher à la pièce à côté avec tes bras sur le long. Tu sais, quand tu dis que t'es à deux places en même temps. Là. Ouais. Hey, je suis dans la salle de bain et la cuisine et le salon. T'as accompli un miracle à ce moment-là. C'était fou. Bref, on a assez jasé. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à embarquer dans la chronique de Marc Gagné? Oui, c'est moi. Marc Gagné qui est avec nous pour sa chronique pas de concept, que des squelettes. Pas de Patrice Lécuyer. C'est ça, exact. Ça, hein? Pas les mots exacts, non. Mais c'est ça pareil. Dis-le mieux que moi, voir. Ouais, pas de concept avec un squelette sans Patrice Lécuyer. Oh, wow. Faut prendre des notes. Mais là, il faudrait dire c'est quoi le rapport avec Patrice Lécuyer. Ben, les squelettes dans le placard, comment? Ben, c'est ça, exact. Mais il faut quand même le dire. C'est sûr, ici, Radio-Canada Télé. Il y a des gens qui écoutent même plus la TV ici. Je lève la main en ce moment. Ouais, chers auditeurs, je lève la main. Tu sais, je vois des critiques peut-être de tout le monde en parle, genre, tu sais, des critiques de l'émission du dimanche qui disent « Ah, mais là, pourquoi qu'il invite telle personne? Ça joue à la TV, il n'y a plus personne qui regarde la TV en 2019. » Excuse-moi, mais la TV, elle se regarde ailleurs que ça à la TV. Ah, ben, puis tu l'écoutes où, tout le monde en parle? C'est tout.tv. Tout.tv. Fait qu'à un moment donné, je comprends pas, il faudrait qu'on réinvite juste des gens que les gens connaissent déjà, c'est ça? Non, mais tu sais, c'est comme Occupation double, tu sais, ça s'écoute en ligne. Oui, aujourd'hui. Il y a des gens qui savent même pas que ça passe à la TV, t'sais. Mais ça, c'est triste parce que j'ai suivi pas mal toute l'aventure d'Occupation double uniquement sur Facebook. Ouais, pas autrement ailleurs, j'allais pas... Un peu comme Danser pour gagner, c'est quoi l'idée de faire une quotidienne avec ces émissions-là? C'est sûr que t'auras pas de code d'écoute si tu joues ton émission en format quotidien pour une émission de temps. Voyons, non. T'sais, Occupation double, c'est comme, ok, t'as des intrigues, c'est comme Virginie. Des intrigues non intrigantes. Ben, de la télé, entre guillemets, réalité créée de toutes pièces par des producteurs bien payés. Oh mon Dieu, c'est bon ça. Et après ça, t'as Danser pour gagner qui monte danse à tous les jours, on s'en fout. Ah ouais, c'est vrai. Oh, mais on a pas

Puis un gremlin gentil là-dedans qui que c'est le plus mignon des gremlins. C'est ça, ils sont adorables. T'as juste le goût de le prendre dans tes bras puis dire je t'aime. Oh, ouais. Et aussi des produits naturels, des graines de lin. Des graines de lin. Oui. Graines de lin. Oui, il l'a fait. Et oui. Mathieu Blanc, mesdames, messieurs. C'est moi. Bon matin. Fait qu'on a parlé de Purell, puis c'est pas mal ça ta chronique d'aujourd'hui. Ouais, ben moi, c'est juste parce que j'avais un drôle de préjugé chez les gens qui se mettaient souvent du Purell. Je me disais tout le temps dans ma tête, ça marche pas ça. Mais finalement, ça marche. Mais moi, je continue à dire que, tu sais, mettons, promener avec une petite bouteille de Purell, là, tu t'en mets, ok, pendant 2 minutes, tu vas avoir les mains propres, pas de germes. Mais après ça, tu vas ouvrir ta porte, tu vas toucher à ta poignée, elle va être pleine de bactéries. Les malheureusement, il y en a partout. Mais c'est ça, fait que je vois pas en fait l'intérêt. Limite, t'es peut-être mieux d'anticiper. T'adapter avec les bactéries que t'as, puis. Ouais, mais je suis bien content quand même que les salles de bain soient maintenant à air ouverte. En tout cas, leur entrée et sortie, il n'y a plus de porte souvent dans les salles de bain, donc au moins, t'auras pas à toucher la poignée. C'est dégueulasse avant à l'université. La poignée de porte des toilettes. La poignée de porte à l'intérieur, t'oses espérer qu'elle est propre. À l'extérieur, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Je suis sûr, connaissant l'université, leur. Tu t'en vas dans un terrain. Ils ont dû sûrement. Zone grise! Les anciennes portes des salles de bain sont sûrement en quelque part. Dans le sens qu'ils les ont sûrement réutilisées en quelque part. Je me rappelle que la porte de notre ancien studio était devenue la porte de, je crois, le local du géant de la chasse. Quelque chose comme ça. Enfin, ils réutilisent les portes. C'est du recyclage. C'est bon. Oui. Un écologiste te dirait oui, c'est bon, Matt. Mais elle a sûrement pas été lavée, la poignée de porte. C'est autre chose. Par contre, c'est un autre débat. Merci, Marc Gagné. Merci. Chronique, pas de concept des squelettes sans Patrice Lécuyer. Pas de concept un squelette sans Patrice Lécuyer. C'est excellent. Il y a tout le temps de la misère. C'est excellent. On aime ça de même. Ah, mais il y a presque en plus. C'est à quelques mots près. Hein. Ouais, c'est ça. Pas de concept, pas de squelette. Non. Pas de concept, mais un squelette. Sans Patrice Lécuyer. Squelette, c'est ça qu'il faut que je retienne. Mais un squelette. Il y en a un squelette. C'est le squelette de sa chronique, c'est de quoi il va parler, mais c'est pas ce qu'il va avoir autour. Il connaît la structure de la substance. C'est comme s'il manque de chair autour, c'est pas grave le squelette. Là, il est là. Pas grave. C'est l'essentiel qui est important. Puis sans Patrice Écuyer, ça veut dire qu'il y en a comme 100 Patrice Écuyer. Ouais, c'est ça. Puis exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ils sont tous avec moi. On mange la poutine ensemble. Ils sont tous dans ma tête. Ouais, c'est ça. On te retrouve la semaine prochaine. Mardi, je fais mon émission, c'est dans ta face. C'est dans ta face. 15h. 15h, exactement. 15h de suite, je parle. 15h de suite. 15h à 3h de l'après-midi. Un gars déterminé. Je mets de la musique non-stop, je fais passer les mêmes tunes. Tout le temps. 15h de Spotify, tout le temps, du hibou-hibou puis du Spotify. Exactement. De quoi tu parles ce mardi? Ce mardi, je parle de chiffres. Okay. Puis je parle de sujets genre la dépression, les périodes noires dans sa vie, l'anxiété, stress post-traumatiques. Non, c'est une chose. OK, moi je te suivais, j'étais là. J'allais l'écouter, moi, tu sais. Mais non, je fais passer de la musique, puis c'est pas mal ça, mon principal. Bon, mais je t'écouterai pas d'abord. Mardi, 15h, pour l'émission, c'est dans ta face, Magani. Ouais, c'est ça. 15h, écoutez ça, sauf Mathieu Plante. Tout le monde est invité, sauf Mathieu Plante. Les 100 Patrice Écuyer dans ta tête vont tout être là. Ah ouais, ça va être la plus grosse fête d'écoute qu'on aura jamais. Fidèle au poste, prêt au combat. Ouais, c'est ça, ils vont manger de la poutine avec moi. C'est ça qui se passe dans ma tête. Tu restes avec nous un petit peu? Oui. Pas mal, en fait? Oui. Moi, je t'impose de rester. J'ai imposé à Antoine de co-animer avec moi, fait que je t'impose de rester aussi. Mais c'est le fun d'animer avec toi. C'est le fun. On va parler de gaming encore, c'est tout ça? Peut-être, on va voir. On se laisse guider. Ça dépend de ce qui se passe hors onde. On amène ça en onde. Avant de continuer, par contre, on écoute Maude Audet qui, elle, se met du Purell dans la bouche, comme on a suggéré de le faire tantôt. Donc voici nos lèvres retournées. Oh mon dieu. Oh wow. Rassemblage requis. Sur nos peaux qui se craquent, brillent nos lendemains. Et même si tout se brise, que l'hiver se retient, on chasse les hantises, on fraye les matins. Je t'aimerai plus fort, toi qui les semi-creux. Tu inventes si bien. aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Toujours à Assemblage Rocky en ce lundi 12 mars 2018. J'ai failli lire 28 de 8h28, mais on n'est pas le 28, clairement. On est le 12 mars. Ah ouais, puis on a avancé l'heure en fin de semaine. Hey, on en parlait tantôt, oui, oui. C'est déplaisant. La face que j'avais, moi, dimanche matin, là, je l'ai mis sur mon Snapchat. Snapchat. Vous irez voir ça, Marc la Terreur, Snapchat. Ma face, toi, on dirait que je venais pleurer ma vie, mais c'était pas vrai. Pauvre Marc. Je pleure pas pantoute, moi. Jamais. T'es pas un gars émotif pantoute, hein? Pas c'est un peu sentimental. Tu caches tes émotions. Non, ouais. Parle-nous de ton coloc, mets-toi à pleurer. Là. Ben, je l'aime beaucoup. Il va être à ton émission demain. Hey, ouais, ouais, il va m'accompagner pour parler de chiffres. Ça. On va parler d'un calamar. Là. Ça a l'air que ça mesure 13 mètres, un calamar. Comme un calmar, mais. Un calmar. Mais c'est moi, j'aime ça dire calamar. Calamar. Calamar. Calme-toi, j'en ai marre. C'est ça, calme-toi, ouais, ouais. Les morts, ouais. Puis ça va sous l'eau, hein, ça. C'est comme une pieuvre, là. C'est... Ok. C'est vraiment pas beau, mais ça mesure 13 mètres, man. 13 mètres avec les tentacules, là. Mettons ouais, de la tête ouais. Jusqu'à la fin de sa tentacule. Non, c'est ça. C'est ton coloc, ça? Non. Je suis tout mêlé. Ah non, nous autres, on a un très bon mode de vie, moi puis mon coloc. Ouais, on fait ce qu'on veut. On lit des livres aux côtés des belles petites plantes vertes qu'on a. Ah, on fait beau, à souper ça. Ensemble. On est comme un couple, mais sans les relations sexuelles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour l'instant. Puis on dort pas pour dans le même lit. C'est pour l'instant. Hein. Vous avez encore du temps. quatre mois. Oh wow. Bref, dans quelques instants, qu'est-ce que j'avais prévu faire? Oui, on va s'acheter des choses sur Internet dans quelques instants, tous ensemble. Ben ouais, okay. On va aller sur eBay. On va aller sur eBay, faire Buy It Now. Amazon. Les deux. Amazon.ca, c'est le shipping est gratuit. Shipping est... Ah ouais. Sors de là-dessus. Mais avant ça, on va prendre la route de l'Alaska. Oh. Avec le band Scenic Route to Alaska, voici How It Feels. Just got back in time. At a van swimming in my veins tonight. Wheels touch down surprisingly, I'm feeling fine. Just got back in time. Don't lonely. Cards get dealt out, and I'm all in. Is this how it is? Is this how it feels? to Alaska avec la pièce How It Feels. Ah, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses sur Internet. Et là, je sais que bien des gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on va aller s'acheter? Mais on va le savoir dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe et ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on s'achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Toujours avec Antoine et Marc qui sont là pour réagir et peut-être, je sais pas, vouloir les acheter. On va voir. Ouais, un bâton d'hockey déjà pété. Ouais, mais c'est signé par Sidney Crosby. Ouais, mais le bâton, il est pété. Moi, je joue avec. Oh, je la retape avec du tape gris. Du tape gris, du duct tape, ça. Ah, du duct tape. Moi, j'appelle ça. Du duct tape a prouvé sa force. Ça son utilité. Son utilité. Commençons pour commencer. Commencer par quoi? Quand tu vas changer les croquettes de poulet. Hein? Oh ouais. Tu veux avoir une petite sauce, une petite trempette, tu demandes ta trempette, mais là où est-ce que tu la mets quand t'es en auto, tu sais? Hein? Bonne question. Ben, c'est très bonne question. Tu le mets dans le sauce moto? Bien sûr, sauce moto qui est quelque chose qui s'installe dans la trappe d'aération de votre voiture. Wow. Mais il y a un problème, t'as pas de lave-vaisselle dans ton auto, fait que tu peux pas le nettoyer. Ah, ben oui, mais là, tu vas le descendre de ton auto, tu vas le laver chez vous, tu vas le remettre dans l'auto. Ben oui. Plus ben on l'oublie, j'avoue. Mais ça tue une autre comme utilité ton thermos. Ça tue. Absolument pas, mais non, en fait, c'est... ce qui est le fun, c'est que dans le fond, c'est que tu peux mettre ton cup de sauce du restaurant, là, c'est pas, t'auras pas à laver nécessairement. Là, mais c'est pas faux, par contre, nombre de fois que j'étais allé au McDonald's, pour ne pas faire de publicité pour McDonald's. Dans un restaurant, dans un restaurant de restauration rapide. Rapide, ouais. Fournissant des hamburgeois. Oui. mais c'est ça, le nombre de fois que tu le prends pour apporter tes frites avec ton petit cup de ketchup, ton cup... Je suis désolé, quand tu conduis, t'as pas le temps de prendre ton cup de ketchup, de le mettre dans tes mains, de commencer à prendre des frites. Ben non, t'as d'autres choses à faire que ça. Ben, c'est ça. Finalement, non. J'achète. T'approuves, hein, t'approuves. Puis en plus, on a établi tantôt que quand Antoine passe devant quelque chose de gratuit, il faut qu'il en prenne. Ben oui, moi, si le ketchup est gratuit, je le prends. Fait qu'il faut bien te mettre quelque part. Hein? Oui. C'est quoi, 5,50 US? Les sachets de moutarde, ils viennent avec. Ah, je vais te prendre des sachets de moutarde. J'en prends. Je prends tout ce que je peux, moi. As-tu du miel? Moi, du miel. Ben moi, tout ce que je peux avoir gratuitement. Des napkins, hein. Ben oui. Ben écoute, c'est pratique des napkins, des pas là pour rien. Des petites serviettes humides. Ben ouais. Ils sont trop petites, les petites serviettes humides chez PFK. Dans un restaurant de. Dans un restaurant sur rapide. De friture. Il y a du poulet frit qu'il y a là, hein, je pense. Ouais. Ken Toki. C'est comme le Toki, mais avec un Ken. Ah ouais, Ken. Ok. Le sauce moto, donc, est disponible en rouge, en bleu, en noir et en gris. Ça se clip à votre aération de voiture. Comment ça s'appelle? Le sauce moto. Wow! C'est bizarre, hein, parce que c'est pas sauce auto, c'est sauce moto. Ouais, c'est une moto au lieu d'être un auto. Tu fais quoi en moto, c'était ça? Tu conduis pas en mangeant une moto, je peux pas croire. Tu le fais en textant en place. Hein, c'est ben ça, oui, ça. Ben oui. C'est correct. Ah oui. Ensuite, tiens, tout dans ta maison, dans vos maisons, j'imagine, dans vos petits appartements avec coloc, c'est rendu intelligent. Ben oui. Ton coloc est intelligent. Ben oui. Ben oui. C'est pas mal ça. Mon téléphone cellulaire est intelligent. Ouais, c'est ça. Mon auto est presque intelligente. Ça s'en vient. C'est ça. Mon ordinateur est plus intelligent que moi. Fait que... Mais savez-vous ce qui vous manque en termes d'intelligence? Une fan de salle de bain. Intelligente? Fan de salle de bain intelligente, ben ouais. Quand elle allume tout seul? Quand elle sent une odeur particulière, elle part? Ça serait quand pas pire. Quand tu prends ta douche, elle part tout seul? Peut-être les deux en même temps, en fait. Oh. Ça illumine, premièrement, t'as un détecteur de mouvement. Donc, t'as une lumière incandescente qui va allumer, être dépendante des mouvements. Hein? Ça vient avec un petit... ça vient en fait avec une switch pour votre fan et pour la lumière, donc indépendamment. C'est un exhaust... En même temps qu'elle est une fan, donc c'est une sortie d'air. C'est fait de métal, de plastique et de vitre. Et puis c'est très silencieux, nous dit-on. Ça coûte 129$ sur le site de Quirky. Et comme vous disiez, ça ressent aussi l'humidité. Et ça va activer la ventilation lorsqu'il y a assez d'humidité dans l'air. Et ça va s'éteindre lorsque le niveau d'humidité descend. C'est parfait, ça fait tout en même temps pour seulement 130$. C'est pas comme un Google Home, là, cette patente-là? Ben oui, mais un Google Home moins nice. Ouais, ça, genre c'est dans cool. Une salle de bain, tu sais, c'est comme... C'est un Google Home sans le haut-parleur, sans la musique, sans l'interactivité avec un assistant personnel. Dans le fond, c'est... un genre de Google Home, mais pour la salle de bain. Mais sans c'est... Google et sans le Home. Sans complet, le... Ouais, puis sans la musique, puis sans... Ouais, sans le Google et le Home, ouais. C'est un bon point. Ce que t'as oublié de mentionner, c'est que quand la machine... ressens deux personnes rentrer dans la salle de bain, la lumière se tamise un peu. Ah, genre, ouais. Oh non, c'est bien brillant. Là, après ça, George Michael. Barry White, George Michael. J'aurais dit Barry White, mais ok. Barry White. Ah ouais, c'est humide. C'est quoi, c'est Careless Whisper? Ensuite, hey, ah, ça là, les jeux de société, c'est cool, hein? C'est cool, les jeux de société, on aime ça. Ouais, Monopoly qui a été inventé par une femme. Une femme, ouais. Ah ouais, ouais. Monopoly. Moi, je perds tout le temps dans les jeux de société, mais je m'en viens bon. On va t'inviter donc, parce que vu que tu perds, on va gagner. Hein? Ah bah ouais, une chance. Tant qu'on met pas de l'argent, moi, je vais pas être bien content. Le prochain jeu qui s'en vient, auquel vous allez pouvoir jouer à Noël ou à peu importe votre prochaine fête, c'est Don't Step in the Poop. Oh non! Pile pas dans le popo. Oh ben, c'est un bon conseil. En partant, j'aime ça, j'achète. Déjà, juste pour le slogan, hein, de pas piler dans le caca. Ça coûte 20$ US et les participants sont les yeux bandés et doivent passer sur un petit tapis, ok? C'est vraiment littéralement un tapis de jeu sur lequel on installe des crottins. Hein? Oh, et il faut éviter de piler sur le crottin. Un twister pour les pauvres. En plus, on est nu-pieds, faut vraiment le sentir. Okay. Donc, tu tournes le spinner un peu comme le jeu là, de comment on appelle ça, avec les trucs de couleurs. Twister. Twister. C'est un peu comme Twister. Donc, tu fais tourner le spinner et tu mets ton bandeau et puis tu dois faire le nombre de pas qu'il te demande. Hein? Et tu fais attention aux petites piles de plastique, évidemment moulées, stratégiquement placées sur le tapis. Des fois, les gens peuvent ajouter des caca, des fois en enlever, des fois réarranger, tasser les besoins un petit peu partout. Dans le fond, si tu piles dessus, tu perds. C'est exactement ça. Ben, ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment la personne qui a inventé ce jeu-là s'est dit c'est une bonne idée. Ben. À quel moment des actionnaires, mais des fournisseurs ou des gens, mettons, qui fournissent l'argent, qui ont mis, mettons, un beau 10 000$ là, ça c'est table. Une bonne idée, ça. Ah oui. Ah ouais. Ça là, non, mais... Don't step on poo poo. C'était inventé par un chien, sûrement. Ben, c'est ça, exact. On sait comment il a eu l'idée, tu sais. Il voyait le terrain en avant de lui. Il y avait plein de. Il a fermé les yeux, puis il a espéré. Ouais, puis en plus, le tapis est vert. On sait aussi qu'il a pris l'idée. C'est beau. Si ça marche pour les jeux d'armée avec des mines antipersonnelles. Ah! Ben ouais, ben là. Ça m'a fait. C'est quoi l'idée là d'avoir pensé à des numéros 2 parce que c'est plus drôle? C'est le fun parce que là tu vas pouvoir faire une pluralité de jeux avec ça. Ah, des mines, tu vas pouvoir faire des merdes. Quel concept tu veux, les mines ou les numéros 2? Ben ça pourrait être drôle avec les mines par contre. Si tu sais, à chaque fois que tu payes sur une mine, tu perds un membre. Ah ouais. C'est comme Twister mélangé avec l'armée. Non, ouais, invite pas ton grand-père qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale à jouer à ça. Bon grand-père, t'as perdu ta jambe. C'est inapproprié. Non. Ah, avez-vous vu les caca ressemblent à des dessus de cornets de crème glacée? C'est incroyable. Oh, wow. Mais c'est des vrais. Évidemment. Ah ouais, c'est des vrais. Des vrais. C'est ça. Ça vient avec... Il coûte moins cher pour ça. Je sais pas si ça vient avec les bandeaux. Oui, ça vient avec les bandeaux. Le tapis. 4 cannes. Bon, j'espère qu'avec le bandeau, sinon le jeu va être plate. Là. De caca, oui. Regardez bien ça. Ça vient avec 4 cannes de ce qui va devenir plus tard le caca parce que t'as un moule de plastique pour faire toi-même le caca. Wow. Je vous jure. Mais voyons donc. C'est fou, hein? Voyons donc. Don't step in the poop par Hasbro. Qui a pensé à ça? C'est quoi les âges? Ouais, ça dit pas, mais je suis sûr que c'est pour tout le monde. Ouais, pour 4 ans et plus, moi, 18 ans et moins, mettons. C'est ça. Pas mal ça. Ensuite, on va aller à la salle de bain encore un petit peu. Tantôt, on était allé là avec la ventilation intelligente. Là. Voici le rideau de douche transparent avec des pochettes pour insérer ton téléphone ou ta tablette pour pouvoir regarder dans la douche des vidéos YouTube. Et là, on s'attend à ce que bon, il y ait des gags de choses qu'on pourrait faire dans la douche avec ça. Ça pourrait être kinky pas mal. Il y a vraiment une place pour mettre ton iPad puis une place pour mettre... Moi, j'ai une solution là, pour ça. Tu as juste à prendre des papiers transparents. T'es colles sur ta fenêtre de douche. Là, j'avoue. Avec du bon tape gris. Oui. Branche-le pas dans le mur avant. C'est redneck, mais vraiment. Ça marche. Ouais, c'est ça. Ça marche. La plupart des affaires de redneck marchent, c'est juste... Les rednecks sont brillants. Ils sont ingénieux. Ils ne misent pas sur l'esthétique, ils misent sur le côté pratico-pratique de la chose. C'est parfait comme ça. Puis eux autres, ils prennent leur douche avec leur shotgun. C'est évident. Besoin d'iPad. Waterproof. Bref, c'est pour regarder vos séries sous la douche ou peu importe. Hein. Si vous êtes intéressé, c'est sur Amazon US pour 25$ US. Vous avez des tranches, des slots. à la verticale comme à l'horizontale de différentes grandeurs pour différents appareils. Si vous les mettez tous en même temps, vos crochets de rideau de douche vont lâcher, c'est ça. Mais il faut vraiment que tu sois dépendant de la technologie pour être rendu là. Mais en règle générale, une douche, c'est quoi? C'est 5-10 minutes? Genre, puis un écologiste, un environnementaliste te dirait... Ouais, mais... ne prends pas trop de douche, ne prends pas trop de douche, ne prends pas... Mais hey, ça me fait penser à quelque chose, tu sais. Avec la technologie des cellulaires, on s'entend-tu qu'on reste plus longtemps sur la toilette à cause de ça? Ouais. Bon, moi, ça coûte rien. Ça coûte rien quand t'es plus longtemps sur la toilette, au moins, parce que ta flush, que tu sois assis 15 minutes ou une heure sur ta toilette, ben là, mais avec la douche, tu vas rester plus longtemps dans la douche. Tu vas être ratatinéreur. C'est ça, c'est comme, oh mon Dieu, mon épisode de Stranger Things va sortir. Et j'aime ça, ça dit Netflix dans la douche, Hulu dans la douche, jeu dans la douche, Skype dans la douche, FaceTime dans la douche, YouTube dans la douche, musique dans la douche. C'est tellement parfait. Moi, je veux faire un Skype sur la douche. C'est Skype, ça la douche. Mais il crée vraiment n'importe quoi. Là. Il y a vraiment, il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, je sais que ce produit-là se vendrait. Puis... mais je suis sûr que ça va être vendeur. Probablement. On appelle ça une solution qui cherche un problème. Ouais. Ah, clairement. Clairement. Justement. Justement. Tu viens tout juste de dire, Marc, que des fois, à la salle de bain, tu utilisais ton téléphone. Personne fait ça. C'est dit en ondes, hein? Donc, les germes là-dessus, hein? Ouais. On suggère d'ailleurs de laver votre téléphone de temps en temps avec un désinfectant. Avec du purel. Mais quand t'arrives et que là t'as besoin de te nettoyer après avoir fait ton numéro 2, là, tu le mets où ton téléphone? Ben sur la tablette. Je le dépose par terre personnellement. Ouais, sur le comptoir sinon. Ouais. Si vous aviez un petit socle par-dessus votre papier de toilette. Hein? S'il vous plaît. C'est un socle à téléphone par-dessus le papier de toilette. Mesdames, messieurs. Il y a un plancher sur le sol qui permet de déposer un téléphone cellulaire sur une surface. Je te corrige, il y a un plancher en dessous duquel on vient de passer en achetant ce gadget-là, tu comprends? Parce que littéralement, si t'achètes ça, là, c'est une tablette, ok? C'est un rack à papier de toilette qui vient avec une tablette dessus. Si t'achètes ça et que quelqu'un vient chez toi, il sait automatiquement que tous les chats du passé avec cette personne-là étaient faits sur la bonne. Ça s'est passé là, là. Mais ça, c'est encourageant, ça donne le goût d'y aller. T'as eu un match Tinder sur la bonne. Voilà. L'amour de ta vie est basé sur ce moment-là. C'était un mensonge depuis le début. Tu me disais que t'étais dans ta chambre peu habillée. T'étais sur la bonne peu habillée. Ouais, mais imagine si elle, c'était la même affaire. Ça serait le match probablement. Parfait. Ça serait magique. Et si t'arrives chez elle, elle a aussi ce petit rack-là. Les boys, les femmes ne vont pas aux toilettes. C'est vrai, t'as raison. Non. Ce ne sont que des papillons qui leur sortent de l'anus. Exactement. Ça s'appelle le APL. Je voulais pas dire le mot. On est allé trop loin. Ah, c'est ce qu'ils disent, hein, aller trop loin. C'est le APL Toilet Paper Holder and Storage Shelf. Voilà. C'est disponible en noir mat, en nickel brossé pour avoir l'air riche et en chrome poli. En or. Je donnerais une petite lingette avec ça pour le nettoyer. Vraiment. Ça serait plus vendable. Ça coûte $25 US en plus, juste pour un rack à papier de toilette. Pour ça, c'est 40$ en dollars canadiens, c'est ça? Avec le shipping, oui. Avec le shipping, est-ce qu'on est sur Amazon.ca? On est sur Amazon. Ça dit pas .ca, mais on est sur Amazon. De toute façon, vous le savez, je le dis à chaque chronique quand on a un gadget sur Amazon.com, mais ça se livre au Canada. Il y a des petits sites qui te permettent de livrer ça à la frontière. Oh, puis tu le ship au Canada. J'ai déjà fait. Cross-border shipping. Cross-border shipping. C'est messieurs. Ensuite, comment? Cross-burning shipping. Shipping comme d'en boire quelque chose. Ah, shipping! Non, c'est shipping comme d'en boire. Okay, dans le fond, au lieu de le shipper par avion, il ship par les souterrains. C'est exactement ça. Dans un Ils mettent dans les fesses de deux filles en Australie. En dessous du mur de Donald Trump. Ouais, c'est ça, en dessous du mur de Donald. Et voilà. Ensuite, tiens, on reste dans la salle de bain, voilà. Mais dans un autre genre complètement, en fait. C'est des post-it. Des post-it, des petits papiers. Oui. Hein, bon, ça va, hein, on n'a pas besoin d'expliquer. Okay. Hein. Mais celui-là va sous la douche, ou au chaud, ou au froid, ou peu importe, n'importe où. Pis ça colle! Et ça colle, et ça écrit dessus. Ça sert à quoi? Ben voyons donc, des fois t'as une note, t'as de l'imagination dans la douche, là. T'as une bonne idée, là. Tu l'écris dans la douche, tu le snaps sur le... Dégustation, man. Ça, tu vois, moi, je vois une utilité seulement dans un restaurant. Mettons un plongeur ou quoi de même, il doit se souvenir de ses tâches ou quoi que ce soit, ben il colle ça. Ouais, c'est vrai. Juste devant son lavabo, mais mettons, moi, dans la douche, personnellement, je reste jamais assez longtemps pour avoir une idée de génie et ne pas m'en rappeler deux minutes plus tard. Si mettons, t'oublies tout le temps tes enfants, tu sais, faut que t'ailles les porter à l'école, tu l'écris dans ta douche, c'est vrai, comme ah mon Dieu, c'est vrai, faut c'est que j'aille vrai. Porter mes enfants. T'as raison. Aussi quand tu laisses un enfant dans le bain, genre. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Oh non, le petit bébé! Et ça fonctionne non seulement dans. Non seulement dans la douche, ça fonctionne aussi au chaud, hein, lorsqu'il fait très très chaud, des fois ton crayon peut fondre, je sais pas. Oh, crayon de cire seulement. Des environnements très froids aussi, apparemment que c'est plus difficile de faire de prendre des notes dans le froid. J'ai jamais eu de problème à écrire des notes pour vrai. Non. Et c'est dur à hold, donc ça va tenir aussi. C'est pas juste une question d'écrire sur le post-it, c'est une question de le faire tenir au froid, au chaud et dans la douche avec la colle qui ne laissera pas de résidu derrière. Wow. Hein? Vraiment impressionnant. La technologie de la résine. La résine. Exactement. Emballage donc de 3 petits paquets de post-it pour 5$ ou des boîtes de 12 pads pour 20$ sur Amazon US, bien sûr. 20$? 20$! J'achète! 12 paquets de... Hey. C'est tout le temps dans la douche, tu sais, que je suis créatif, tu sais, fait que... Des paroles de toune, là, c'est... Ouais, c'est ça. J'écris... Puis là, si en plus t'as acheté le rideau pour mettre ton iPad, ton téléphone, ça pourrait t'inspirer des idées de futurs films de porn. Ouais. C'est bon, ça, sur ton 3. C'est bon, ça. Justement, parlant d'écrire, on aime les tableaux blancs, des fois, dans ça la vie. Ça suit bien, hein. Ouais, je sais, c'est comme si je l'avais placé d'avance à la... Oh mon Dieu, c'est beau. Mettons, les tableaux blancs, c'est le fun. Oui. Mais ce qui est l'inconvénient d'un tableau blanc, c'est qu'il est blanc. C'est... Ouais, non. OK. Il est pas assez petit pour toi. Ah! Il est tout le temps trop gros, hein. Tu cherches quelqu'un de blanc et assez petit pour toi. Oui, petit format, oui. Non, c'est vrai. Format de poche. C'est ça. Donc, un tableau blanc que tu pourrais mettre dans ta poche. Hop! Hey! Hein? Vraiment? Ben, je te jure. Mais voilà. C'est un petit tableau blanc, mais c'est un cahier, en fait, qui vient avec un crayon, mais c'est que c'est effaçable. In your pocket. In your pocket, c'est le whitebook. Mais là, quand tu le mets dans ta avec, poche, ça efface pas, vu que c'est écrit avec un genre de... Ben, c'est un cahier dont tu peux le fermer, en fait. Le cahier a des pages effaçables à sec à l'intérieur. Donc, il y a une version avec couverture rigide et une autre avec une couverture souple, si je comprends bien. Ouais. Exactement, oui. Donc, les nouvelles versions de ce produit-là ont une couverture en faux cuir avec des spirales, hein, comme un vrai cahier. Hein. Ça a 20 pages d'écriture, pardon, avec un film UV Hypergloss, facile à effacer, nous dit-on. Les pages sont en format origine 8,5 par 11, en version mini 5,8 par 8,25 et format de poche. Et chacun vient avec un crayon à effaçage facile, sans laisser de traces. Tout ça pour 45$ pour le normal, 40$ pour le mini et 20$ pour le pocket. Malheureusement, je n'achète pas. Ouais, moi, j'ai déjà un cellulaire pour prendre des notes. J'avoue. Matt, t'es un excellent vendeur, mais là... Non. Je vois même pas l'utilité. Là. Non, parce qu'en tant que tel, le cahier, j'ai jamais eu de problème à changer de page. Là, non. Tu as besoin d'un tableau blanc pour ça? T'as un crayon plomb? Ben, c'est ce que je me dis. Ben, Y a des crayons à l'encre effaçables maintenant. Imagine si le tableau blanc est pas pour toi, comment peut-être que le Etch-a-Sketch est encore moins pour toi? Imagine avoir ton propre portrait en Etch-a-Sketch. Ah mon Dieu. Vous pourriez vous faire faire un dessin. Mesdames, messieurs, vous ne voulez pas voir ce que l'on voit. Ben, c'est une famille avec un enfant qui a l'air un peu possédé du démon. Man, moi, j'achèterais le bidule. Ouais. Puis je me ferais moi-même un portrait. C'est tellement. Ah, mais ça, c'est parce que t'as du talent. Ah ouais, ben ouais, tu fais tout en carré, mais je suis pas capable de faire en diagonale. Oh. Ah, c'est triste. Ouais. Tu sais, c'est les deux en même temps mais inversés, c'est comme une chaise roulante, tu sais. Ah. Pour tourner dans les coins, là, faut que tu tournes les deux dans le sens inversé. Ouais, là, c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a ça au Dollarama, j'en achète une. Un chasquette, je pense que oui. À 2$, oui. Ouais. Mais là, ça c'est combien, mettons, lui? Ah lui, ben avec le portrait, parce que là c'est quelqu'un qui va faire un portrait de toi. On achète le chasquette avec ton portrait de toi dedans. Faut que t'achètes l'artiste. Puis il faut que tu achètes le Etch-a-Sketch. Tu pensais que je suggérais d'acheter un Etch-a-Sketch? Oui! Oui! Parce que c'est rien de nouveau, là, ça n'arrête pas. Ça existe. Non, non, mais je me demandais, je pensais que tu parlais d'un format de poche. Ah, ok, ça aurait pu. En fait, j'en ai déjà parlé de ça, oui, ça existe. Ah, ok, Mais non, ici, c'est avec le portrait inclus à l'intérieur, tout ça pour 1177,72 canadiens. 1177 pour un portrait et 72. Gratte le fond de tes tiroirs. Tu soumets ta photo préférée de toi ou de ta famille ou peu importe et tu vas recevoir ton portrait en Etch-a-Sketch par un professionnel qui est capable, lui, de faire des diagonales. Ben, tu sais, on voit dans la photo qu'il n'y a pas d'ombrage. Fait que, tu sais, pas d'ombrage. Ouais, c'est basic, c'est minimaliste un peu. La marge de crédit va se faire aller. Comme... Tellement. Hey, c'est moi, hein. J'avais 12 ans sur cette photo-là. Hey! Belle surprise, hein, en onde. Ouais, vraiment, là. Ton père t'a fait une surprise. Bravo. Tu viens tout juste de dire, Marc, tantôt que tant qu'avoir un tableau blanc, t'allais juste prendre ton cellulaire et dessiner dessus. Ouais. T'es-tu obsédé par ton smartphone, rien qu'un petit peu? Parce que oui, moi, t'es obsédé. C'est dur à dire. Je pense que mon smartphone m'hypnose, puis moi, je me fais croire que je suis pas accro à mon smartphone. Là. Dans le fond, le problème, c'est que ton smartphone est accro à toi. OK, on va dire que je dépends de mon smartphone. Ouais. Vas-y, vas-y. Ben, laisse-le derrière et achète-toi le Lightphone 2 à la place. Je vous montre une photo de ce téléphone très, très minimaliste. Wow! Avec pas de boutons, ou en fait, des boutons, deux petits boutons. Hein? Donc, c'est le Lightphone 2, un téléphone secondaire qui fonctionne sur le réseau 4G avec un écran à encre électronique qui fonctionne avec le même numéro de téléphone que votre cellulaire normal et qui sert d'appareil de communication de base. Donc, pas de réseaux sociaux, pas enfin. De courriel, pas de... juste la base. Ah, pas de notification Facebook! Non, mais c'est bon ça, par contre. J'ai été vendeur de cellulaire pendant un petit moment. Puis, nombre de personnes qui arrivaient en magasin en disant « Écoute, moi, je veux juste avoir le flip-flop, le bon vieux téléphone que t'ouvres, que t'as juste, mettons, ton clavier pour composer des numéros de téléphone. Limite un afficheur pour savoir qui m'appelle pour pas répondre à n'importe qui. Mais, j'ai pas le choix de dire que ça, j'aime ça. C'est pas une mauvaise idée du tout. Non, c'est pas une mauvaise idée. L'affaire, c'est qu'il faut quand même que t'ailles un smartphone oui, de côté parce que ça attache pour à faire fonctionner. Téléphone, ouais. Non! Non, attends un peu. Non, mais okay, t'as pas à transporter ton téléphone intelligent, c'est juste que c'est sur le même forfait. Vous comprenez, genre? Ben, est-ce que je pourrais me débarrasser de mon téléphone intelligent puis juste garder celui-là en gardant le laisser chez toi. Mais je pense pas que tu pourrais annuler ton contrat, non. Bon, ben finalement, je vais me contenter du flip-flop. Non, mais c'est comme tu laisses ton téléphone, ton portefeuille chez vous, puis tu traites juste ta carte de débit pour pas dépenser de ta carte de crédit. C'est un peu la même chose. Ouais, j'aime c'est... ça. J'aime, mais ouais, ça coûte comparatif. Cher. Ça nous coûte environ 250$ US. 250$ pour de la simplicité. Ouais. Ouais. C'est une version améliorée d'un précédent modèle. Si t'as du cash. Ben c'est ça. Ouais. Et c'est sur Indiegogo, quand même, ils ont reçu 300% de leur argent. Donc les gens aiment l'idée. Ouais, mais en même temps, si t'as du cash, habituellement, c'est parce que tu brasses des pas pires affaires quand même. Ouais, si tu brasses des pas pires affaires, c'est que t'aimes avoir ton smartphone avec toi pour pouvoir brasser ces mêmes affaires-là. Ça vient ensemble, ouais. T'sais, ouais, mais c'est comme tu l'as dit, c'est aussi pour bloquer les autres notifications, mais en même temps, tu peux le bloquer sur ton cell aussi. Mais c'est ça, limite, en fait, je comprends. Tu peux, mais tu sais, mettons, la journée, t'as ton téléphone pour le travail, ton smartphone, puis quand t'arrives chez toi, tu mets ça dans ton tiroir. Sors juste ton Lightphone. Un petit truc pratique, limite, mettez-le sur mode avion. Ouais. Mode avion, t'auras juste pas de données qui vont rentrer, t'auras pas de notifications. C'est tellement d'accord. Mais il y a aussi paramètres, bloquer les notifications. Il y a des gens qui sont un petit peu. Qui ont de la misère à se contrôler. 250$ pour ça, je pense pas que ça vaut la peine. Et en plus, ça va sortir seulement en avril 2019. Mais ça va quand même. Comment le 300% que tu parlais tout à l'heure, c'était. C'est sur Indiegogo. Okay. Pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent se permettre de le créer et plus tard le sortir. Okay, je comprends. Et t'as un rabais quand tu l'achètes à l'avance. Wow. Ça peut quand même être utile pour les appels urgents, tu sais, pour ceux qui ont plusieurs groupes Messenger qui gossent beaucoup, là. Mm-hmm. Ben, ça peut être une bonne affaire. On voit pas de quoi tu parles, hein? C'est ça. J'ai jamais vécu ça, moi. Ben ouais, des textos qui passent. Conversation de 10 personnes par Messenger, là. C'est comme Pierre, il vient juste de dire qu'il s'est planté en bicycle. Hey, c'est parce qu'on parle de travail ici, man. Fait que moi, le bouton sourdine là-dessus, là, ça fait aller. Mais j'aime le fait que c'est de l'encre électronique, donc les boutons peuvent changer en temps réel. Vous avez vu tantôt, il y avait deux boutons, là, il y en a juste un. C'est de l'encre électronique comme un Kindle, c'est pratique pour ça. C'est beau pareil, je trouve ça. Il est épuré. C'est beau. Mettons, j'aurais pas été surpris que tu me dises que c'est Apple qui fait ça. C'est vrai, t'as raison, ça ressemble à Apple. Ce qui ne ressemble pas à un Apple, c'est de mettre plusieurs affaires sur d'autres affaires, comme dans combiner des choses ensemble, comme dans jouer au Tetris sur ton case de téléphone. Oh my god! Vous avez vu ça? Je trouve ça toujours aussi fascinant de te voir changer d'appareil. C'est incroyable. C'est fou, hein? Wow! C'est des liens qu'on appelle. Ouais, mais tu sais qu'il y a ce genre d'affaires-là qui existe, mais pour le devant de notre cellulaire. Ça s'appelle une application Tetris, hein? Sur ton téléphone. Ben ouais, mais parce que, tu sais, je sais pas si vous aviez vu ça, là, mais c'est un genre de truc que tu connectes après ton iPhone ou ton pour avoir des boutons, là. Ouais, pour avoir les boutons pour pas être pogné à jouer avec les boutons digitales. Parce que une manette Lightning, genre que dans le case, fait que t'insères ton téléphone, puis la manette est compatible avec les jeux. Ouais, parce qu'on peut jouer à des jeux de Game Boy à cette heure sur nos cells, sauf que, tu sais, la croix, là. Ouais, ça joue mieux qu'un écran tactile. Ouais, l'écran tactile, tu l'accroches le moindrement. Ah, puis c'est tough parce que, tu sais, c'est... Moi, j'ai tendance à, tu sais, à toucher... En tout cas, c'est... tendance à toucher. Mais c'est bon. À toucher le joystick. C'est ça. Je sais pas pour vous, par contre, mais... Dans le temps, mettons, environ 5-6 ans, quand j'ai eu mon premier téléphone, celui-là, c'était bon avec un vrai clavier qui était tactile. Ouais. Puis j'étais tellement rendu à l'aise avec le téléphone que je pouvais écrire sans même regarder. Ah ouais, c'était pratique à la job parce que j'étais pas censé texter, puis ben, ça se donnait de temps en temps. Mais avec mon téléphone intelligent, maintenant aujourd'hui avec la surface lisse, ça quand, je peux pas toucher les boutons, malheureusement c'est plate, mais je suis pas capable de texter sans regarder. Faut vraiment que je m'assure que mes phrases sont. Mais je rappelle, c'est ça, pour pas que ça soit écrit je vais te tuer ce soir. Ouais, mais l'autocorrecteur. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu, je me rappelle pas si c'était un plastique que tu rajoutais par-dessus ton écran ou si c'était l'écran lui-même, mais il faisait comme du papier bulle ressortir. L'écran pouvait comme gonfler les touches. Ouais, tu sentais un peu. Ça, c'est ça qu'il faut qu'il invente, là, pour que tu puisses avoir la sensation des touches sur ton iPhone. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Un jour, j'aimerais ça qu'il fasse ça. Mais bref, ce dont on parle en ce moment, c'est un étui pour le iPhone. Et à l'arrière du téléphone, donc l'étui en tant que tel, comprend un écran LCD qui ressemble à un Game Boy ou à une vieille calculatrice. Et t'as les boutons d'un Game Boy, donc les flèches, le Start, Select, A, B, Reset et On-Off, pour jouer à Tetris à l'arrière de votre téléphone intelligent. Et donc, c'est le OneLink qui s'attache à votre iPhone comme un étui normal qui vous permet de sélectionner parmi 10 jeux préinstallés. Tetris, Tank, Formula One Racing, Snake et Block, entre autres. Ah, Snake! Le jeu de serpent des calculatrices. Ah, je pensais que c'était Metal Gear. Oh non. non. C'est disponible pour un très raisonnable 25$ US. Ça fonctionne sur tous les iPhones modernes, donc pas d'Android pour l'instant, malheureusement. OneLe Cases sur onelecases.com. W-A-N-L-E. Voilà. Ensuite... est-ce qu'on continue avec ça? Oui, pourquoi pas. On va en terminer quelques derniers pour finir ça. Une déchiqueteuse que vous pouvez prendre dans vos mains, en fait. Ça ressemble à un rouleau de papier de toilette. Oh ouais. Et t'insères le papier dedans et ça va venir le déchiqueter tu en petits lambeaux. Tu peux faire des pâtes? Tu peux faire des raviolis, pastara. Si t'es capable de faire une feuille de pâte, Si tu manges ça avec du ketchup, ça peut comme au secondaire, là, au primaire. Les bonnes pâtes au ketchup. Bref, on peut passer une feuille de papier de 8,5 par 11. En fait, on peut en mettre deux à la fois quand même. C'est 4,5 pouces de large. Donc, il va falloir plier la feuille en deux pour la passer dans le déchiqueteur. C'est vraiment comme un rouleau de papier de toilette. Donc, tu mets ta feuille dedans et ça déchiquette. Simple comme ça. Comme du fettuccine. Sauf que c'est pour de la nourriture et non pas pour du papier. C'est pas pour de la nourriture, arrête, c'est pour du papier. T'es obsédé par les pâtes, mais non. Ah, j'adore les pâtes. T'as pas déjeuné à matin, hein? T'as pas déjeuné. Moi, j'ai déjeuné. T'as déjeuné à matin? Ouais. Ça paraît pas? Je déjeune à tous les matins, mais pas des pâtes, les boys, des toasts au beurre de pinot. Moi, c'est de la pizza, des spaghettis. Le matin, je mange n'importe quoi, en fait. Mais la pizza déjeuner, là. Pourquoi ils font pas des pâtes déjeuner aussi? Ça doit exister, c'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Du jambon bacon. Ouais, mais moi je te mettrais du spaghetti, des œufs, de la sauce hollandaise, ça serait fini. C'est fait. Ah oui. C'est brunch, mais. C'est brunch. Ah oui, ça serait excellent. Oublie les œufs bénédictines. Je pense. Forget about it. On part notre propre Benny Florentine. Oh wow, on appelle ça comment? Marc, Antoine et Mathieu. Miam! Marc, j'achète. Antoine, Mathieu, miam! Non, mais miam, on trouve une signification pour le i, pour le correct. Interaction. Interaction. Interaction. Miam! Au déjeuner, est-ce que vous buvez du café? Oui. Ou du thé? Oui, ben je bois du café tous les jours, à tout moment, puis... Toi, c'est café, toi? Café. Café, moi aussi, mais personne ne boit du thé. Mais si vous vouliez... Mettez-vous durant la journée, c'est ça? Hein? Mettez le matin. Okay. Café le matin, thé dans la journée. Mais imagine si on pouvait mélanger les deux. Coffee. On peut le faire. Oui. En fait, m'acheter un café puis une poche de thé puis la tremper dedans, ça va revenir absolument la même chose. Mais là, tu restes éveillé pour deux, trois jours. On l'échappe, là. On part sur une dérape, là. Je pense que t'as raison qu'on n'avait pas besoin d'inventer ça à part, mais c'est ce qu'ils ont fait quand même. C'est le Nagi Kyoto Organic Tea X Coffee Blends. Ça sonne asiatique, j'aime ça. C'est vrai. Ça doit être bon. Ça combine en fait des feuilles de thé avec une belle fragrance du Japon, avec du café aromatisé du Mexique pour créer une nouvelle catégorie de breuvage. Oh, pelaï! La confrontation de l'Asie et de l'Amérique latine. Finish it. Il y a plein de sortes. Il y en a des sencha thé vert, il y a du thé caféiné, peu importe. Il y en a plein. TX Coffee. Le lien est sur assemblagerequis.com. Wow. Quand est-ce que j'arrête ça? Est-ce que j'arrête ça au prochain? Pour ceux qui ont un dernier. Ceux qui ont des phobies dans la vie. Est-ce que vous avez des phobies? C'est quoi ta phobie, Marc Gagné? Les hauteurs, le noir, les fantômes, les vampires. Donc un grand gars noir. toi? Attends. Les clowns. Les clowns. Bon. Je déteste les clowns. Ben, t'as raison de détester ça, les clowns. J'aime pas ça moi non plus. Mais imagine si t'avais un livre pour réussir à passer par-dessus tes peurs. Attention! Ta-ta-da-da! Oh my god! C'est un pop-up book de phobie. Pour réussir à vaincre tes peurs, tu sais, les pop-up books, c'est quand tu ouvres le livre, puis ça crée en carton une espèce de. Ben, un clown. Ah, c'est des grandes. 4,95 pour affronter ses peurs, mesdames, messieurs, ça vaut la peine. C'est traumatisant. Ça vaut la peine. Traumatisant. Je sais pas s'il y a les hauteurs. J'ai vu le film Hit, ben, puis t'as eu à chienne. J'ai vu le film Hit. Ouais, il était bon. Ah, ben, c'est ce qu'on dit souvent en plus. Ah mon dieu, il est bon. Il est bon. Ça a l'air qu'il y a une excellente référence du livre en plus. Puis mettons, c'est. Ok, j'ai pas envie de faire une critique. Mais non, mais reste quand même que je le conseille à tous. Ouais. Un bon mélange d'humour, d'action, puis d'un peu d'épouvante, d'horreur. Ah, c'est bon. Solide. Oui. Hit. Alors que dans ce livre-là, qui est le Pop-up Book of Phobias, ben t'as la peur des hauteurs, il l'a dedans. La peur des araignées, la peur de voler, la peur de la mort. La peur de voler? Ouais. OK. T'as la peur de la mort là-dedans. Hey, c'est dark, ça. Voler comme d'en prendre l'avion. Oui, OK, OK, c'est ça. Mais bref, t'ouvres le livre et puis ta peur s'en vient dans ta face pour t'aider à t'acclimater à ta peur. OK, je sais. OK. C'est par Gary Greenberg. Ça date de 1999 quand même. Mais c'est possible de se l'acheter en version couverture IG en ce moment sur Amazon. Wow! The Pop-up Book of Phobias. Voilà pour cette chronique de 5 minutes. Ça devrait pas. On l'a. Tous les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1216. Assemblagerequis.com. Yeah! Yeah! On prend une pause au retour. La troisième heure déjà s'en vient. Wow. Et la chronique d'Antoine. Vite. Qu'est-ce que tu nous discutes? De quoi tu parles? Ben... OK, je vendrai pas le porn. Je ne vendrai pas le. Wow, OK, quoi? J'ai vendu le porn. Ouais, oui, on va parler de porn. C'est sérieux. J'ai entendu Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Imagine s'il y avait un film de porn, Ozzy Osbourne, c'est vraiment. Je suis sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Toutes les idées. Tout ce que tu penses avoir pensé dans la vie, il y a quelqu'un qui a de. Ouais, c'est tout le temps le même. Je pense tout le temps original, mais je le suis pas. Ben, pas sûr. Pas avec la porn. Malheureusement, c'est plate, mais il y a toujours quelqu'un qui a pensé. Porn to be alive. Porn to be alive. C'est sûr qu'il y a eu un gag avec le Seigneur des Anneaux. Ben, le Lord of the Cockring. Excusez, j'y ai pensé. C'est bon, mais ça. Oui. Ok, non, je peux pas parler de ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on parlait d'un mode de vie. Un mode de vie qui sort un peu des normes. Puis c'est un mode de vie qui me rejoint quand même beaucoup. Mais je préfère ne pas vous en dire trop, vous allez le découvrir après la pause. Pause ensemble. Pause qui va commencer là, dans les prochaines secondes. Allons-y. Marc Gagné reste aussi. Bah, je reste. Il veut savoir c'est quoi. Aujourd'hui. C'est fou! 89,9 aujourd'hui. Oh! Virgins par Dead From Above 1979. Demande spéciale de Marc Gagné. Oui. Ouais, c'est Marc Gagné. Mais pourquoi t'as choisi ça? Hey, j'adore cette tune-là. Dead From Above de l'album de Physical World. Ouais. C'est mon album préféré. Je l'écoutais à chaque matin avant d'aller à l'école. Toutes les tunes sont bonnes. C'est sûr qu'ils ont sorti un nouvel album là, après, là, mais celle-là, je l'aime particulièrement. C'était moins nouveau? Le nouveau, c'est parce que je ne l'ai pas encore écouté. Ah. Je suis encore accroché sur cet album-là. Ben... Pour être honnête, là, c'est mon album préféré, même si je sais que Dead From Above, avant, il était plus underground et que leur musique torche beaucoup avant. Mais, hey, petite affaire que j'ai à raconter d'eux autres, là, ils se sont séparés, puis pendant 7 ans, ils se sont pas parlé, pas de contact, rien, pas en tout de ça. Parce que cette band-là, c'est un duo, c'est deux gars qui jouent, ça sonne, tu sais, ça sonne fort, bien, ça sent le sexe quand t'écoutes leur musique, là. Ouais. Mais. C'est vrai, on écoutait ça, puis je pensais au sexe. C'est ça, exact. Mais ils ont eu une méga tournée dans leur vie où ils étaient souvent ensemble, puis ils s'enduraient plus pas en tout. Fait que pendant 7 ans, ils se sont séparés, ils se sont pas parlé. Puis là, juste de même, ils sont retournés ensemble 7 ans plus tard. Ben après les 7 ans que je viens de parler, là, pas 14 ans, 7 ans, tu sais. Oui. Puis ils se sont dit, on va faire cet album-là. Puis ils ont fait The Physical World, qui est encore genre l'album que, wow, man, ils sont retournés ensemble, puis ils ont fait cet album-là, qui est un de mes albums préférés. Ouais. C'est hot, puis là, ça a l'air qu'ils sont ben chums, parce que encore là, ils ont sorti un nouvel album, puis ça va super bien pour eux autres. Mais c'était une chicane entre les deux gars, mais ben, l'histoire, le dis-tu? C'est comme quand on parlait de colocation. Ouais. Des fois, il arrive des histoires de mauvaise colocation qui font en sorte que tu parles plus à ton meilleur chum. Une groupie qui sont échangées ou une drague qui a mal tourné. Je sais pas c'est quoi la dispute, mais ça existe des gens. C'est peut-être une chicane. Les groupies. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Ça a l'air qu'ils s'enduraient plus. Fait qu'ils ont juste arrêté de se parler. Puis là, ils ont fait cet album-là 7 ans plus tard. Ils ont pris un break. C'est bon, on prend un break des fois. Puis là, ça a l'air que ça va bien pour eux. Je suis content. Un bon choix, ça. Marc Gagné. Yeah. Toujours aussi avec Antoine Lapointe-Ricard, qui connaît mieux un remplacement de Tania Baudin aujourd'hui. Exact. Et c'est à ton tour. On a un petit sujet à aborder ensemble. Un petit sujet à aborder ensemble qui est en fait le sujet... Ta chronique plein air. Ben oui, ma chronique plein air. La chronique de cette semaine. Si vous me permettez, je vais juste, mettons, lire l'entraque de la chronique. Au moins, ça va vous mettre dans le bain. La chronique dans le zone campus. Oui, exactement. La chronique que vous allez pouvoir retrouver dans le zone campus. C'est ça. Ça va comme suit. Et je cite. Vous souvenez-vous d'une époque où nous n'avions comme seul moyen de transport que notre fidèle monture à deux roues? Nous passions des après-midi à dos de bicyclette sans destination précise. Beau temps, mauvais temps, nous avalions les kilomètres avec entrain sans même prendre conscience de l'importance que possédaient ces coups de pédale. Ouh, c'est la citation de qui, ça? C'est ma citation. C'est ma citation. Oui, c'est ben moi ouais, qui... Mais oui. C'est plate à dire, mais on dirait que c'est nous autres qui avons vécu ça. C'est notre génération. Oui, mais c'est ma génération, c'est ta génération. Ben c'est la génération, génération, en fait. Ben oui. Puis j'ose croire, en fait, qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes de 10, 11, 12 ans qui se promènent en vélo, toute la gang ensemble, toute la petite gang. Ben oui, le matin, avant d'aller à l'école, là, on se rejoignait tous dans les trottoirs. Même après l'école, mettons, en été, il faisait 30 degrés, on s'appelle, on s'en va-tu en vélo? Puis on était une bonne gang, on était environ quoi, 5, 6, 7, 8 à vélo qui... On faisait les jumps ces trottoirs. Ouais, exactement, là, le pâturage du quartier. La chaussée du trottoir devenait un jump, littéralement. Puis quand le printemps arrivait avec les côtes de gravel, on se faisait des jump, Mais c'est ça, mais cette époque-là, en fait, j'essaie de la ramener un petit peu à travers ma chronique. Puis, pour faire une histoire courte, ça fait 2 ans que j'habite, comme on le disait tantôt. Ben, c'est le bon, ça fait le tremplin c'est avec. Fou, hein? C'est parfait comme tout ça. Écoute, je suis content que tu l'aies amené ce sujet-là parce que c'est ça, ça fait 2 ans que j'habite au centre-ville. Puis 2 ans au centre-ville, c'est plate à dire, mais je n'ai pas accès à une voiture. Il n'y a pas de stationnement. Puis même là, je veux dire, je suis sur Art, tout près de Desforges, et plus souvent qu'autrement, l'été, Desforges est barré à cause des festivals. C'est vrai. Des festivals ou Il n'ira pas payer pour un stationnement souterrain. Non, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le stationnement Badeau, pour les personnes qui ne sont pas de Trois-Rivières ou qui ne connaissent pas le stationnement Badeau, c'est 90$ de plus par mois que j'aurais payé, plus que mon loyer. Ça ne garantit pas une place, hein, ils ferment cet été pour des rénovations ou quelque chose. Ben, tu vois, en partant, bon, j'ai dû me séparer de ma Volkswagen, de ma Jetta 2003. Ça s'appelait comment? Jetta. Ouais. Jet lag. J'ai dû me démunir de Jetta. Mm-hmm. Puis c'est ça, en fait, j'ai changé la voiture par un vélo.

aujourd'hui pour toi, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est aujourd'hui pour toi, aujourd'hui. Y'en a qui analysent les chansons que j'écris pour en dégager ma philosophie. Veux-tu même dire que c'est qui leur prend à chercher là-dedans quelque chose de cohérent? Si un moment donné je dis une affaire, ça veut pas dire que juste après m'en pas dire le contraire. Pis vous savez quoi? Je m'en contrebalance, c'est mon droit le plus strict à l'incohérence. Wow! J'ai pas de vision de la vie à promouvoir, ni d'opinion politique à faire valoir. Non, je n'érige pas d'édifice théorique. Ce que je chante au public défie toute logique. Ceux qui prennent comme sujet pour leurs travaux d'école les paroles sans queue ni tête de mes tonnes mongoles, on conclut chaque fois que rien de ça n'a de sens, que tout ça n'est qu'un tissu d'incohérence. L'autre jour à la radio, j'étais en entrevue. J'ai encore aligné des phrases décousues. J'ai dit rien que des affaires qui tiennent pas de bout et fait s'effondrer les cotes d'écoute. Mais fuck, si vous voulez quelque chose qui se tienne, baissez vos culottes, donnez-vous la graine. Moi j'en ai mon casque de vos remontrances et je crie mon droit à l'incohérence. Oh yeah! Tous ceux qui tiennent des propos confus, ceux qui changent d'idée comme ils changent de chemise, ceux pour qui toutes les votes de face sont permises, tous ceux qui parlent à travers leur chapeau, tous ceux qui sont toujours hors propos, ceux qui font pas ce qu'ils conseillent aux autres de faire. Moi je suis des vôtres, moi je suis votre frère. Wow! Oui, mon droit à l'incohérence, je l'exerce. Pis non, j'suis pas un modèle pour la jeunesse. Oh non, j'fais rien pour le progrès social. Moi, j'suis plutôt du genre bien-être social. Quand je sors ma guitare et que je bugle, c'est du gros n'importe quoi jeté à l'aveugle. Un manger donc de la merde, un fuck you immense, jeté à la face de la cohérence. Wow! Que vous n'y voyez qu'une bouillie vide de sens, une manifestation précoce de démence. Rien à chier, sacré moins patience. Moi j'exerce mon droit à l'incohérence. Mon nom Serge avec mon droit à l'incohérence, assemblage requis. Maintenant, toujours avec Antoine Lapointe-Ricard. C'est qui lui? C'est lui, là. Qui suis-je? Puis lui, c'est qui? C'est Marc Gagné. Hey, Marc Gagné. Hey, salut. Hey. Hello. Et maintenant, ben, c'est une édition bonus, encore une fois, on se tannera jamais, d'une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Quoi? Une grosse pointe d'adresse. Mmh? Une grosse. J'ai pas entendu. Une grosse pointe d'adresse. Dernière fois. Une grosse pointe d'adresse. Attends, quoi? C'est ça. Une grosse pointe. C'est une grosse pointe d'adresse? C'est pas mal une grosse pointe d'adresse, je te dirais. La chronique des produits du tiroir, c'est-à-dire la chronique où on goûte un produit qu'on a acheté en épicerie, qu'on n'est pas allé en pharmacie pendant la semaine et que j'ai gardé dans mon tiroir de mon bureau, littéralement. C'est pour ça les produits du tiroir, pour ceux qui n'ont pas compris le gag. Ah, est bonne, est bonne. Pas pire. Donc, je disais, Antoine Lapointe-Ricard de la chronique Disons le Campus, chronique plein air, il est aussi à Assemblage requis depuis comme quelques semaines. Oui, exact. Marc Gagné, qui est animateur pardon, de C'est dans ta face, les mardis 15h. 15h. Sur nos ondes. Les deux sont là pour remplacer Tania aujourd'hui. Il faut toujours deux personnes pour remplacer Tania. Sinon, c'est pas assez. C'est la coutume. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, depuis les dernières semaines, on a juste bu des choses.

rester. On verra. Sous nos ondes plus tard aujourd'hui, on est lundi, donc c'est pas mal des reprises. À midi, on a C'est dans ta face qui va rejouer. À 13h, Rock Classique avec Alain Lefebvre et le Dr Pendragon. Puis à 20h, en direct, c'est Rock de Neuron avec du rock progressif. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission. Les balados de fusion. On finit aux dernières bouchées de Coffee Crisp Sticks. Et on se retrouve demain matin à 7h. Merci encore, les gars. Ciao. Bye. Bye.